Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochon, il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez! Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 40 du Bras de fer des films. Oui, déjà 40. Mon nom est Jean-François Tremblay et en ma compagnie, mon éternel acolyte, Steven Lefrançois. Salut Steven. Salut, je suis toujours présent et un peu fatigué, mais je suis toujours présent. Ben, c'est bien parce que j'ai besoin de toi. Parfait. Yeah. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Non, je dis j'ai besoin de toi parce que je me rappelle de mon premier épisode tout seul puis c'était plutôt ordinaire, fait que... J'ai besoin de quelqu'un. Et non, c'est ça. Dans le fond, je me pose que je m'en vais avec ça, mais j'ai besoin de toi parce que on n'aurait pas choisi ces films-là dans cet épisode-là si tu n'avais pas été là. Je les ai jamais vus, puis j'avais pas pensé à ces films-là. Fait que ce sont tes choix dans l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, puis à chaque fois que tu me dis ça, ce sont tes choix, ben j'ai tout le temps un petit stress parce que ça quand t'aimes pas mes films. Non, mais dans l'épisode précédent, c'était mes choix, je vais juste dire... Ouais, non, je sais. Les choses telles quelles, mais c'est pas... Ouais, c'est ta faute, là. Mais j'avais aimé tes deux choix. Ben en fait, tes deux choix. J'avais beaucoup aimé que tu choisisses La Lumière parce que je l'avais jamais vu, puis c'était encore une fois une découverte. Fait que j'aime toujours ça, découvrir des films que je connais très peu de choses, tandis que Jaws 4, ben... Je connaissais quand même assez bien. Là. Puis, fait que là, comme ça, si j'ai pas aimé tes films, je vais me faire que je me sente mal parce que tu viens de dire ça. Puis... Non, pas du tout. De toute façon, gars, ça peut pas être pire que de Killers. Là. Tu m'as suffisamment blessé avec ça que tu peux plus me blesser. Ah. Ben non, c'est pas vrai. Évidemment. Notre lien pour les deux films d'aujourd'hui, je les ai pas encore nommés, je vais les nommer, mais notre lien, il est assez mince dans un sens, mais il est là pareil. C'est, ouais. tu penses pas à cette personne-là quand tu penses à ces deux films-là nécessairement, tu sais. Non, en effet, j'essaie de trouver un lien, puis ça a juste à donner. Mais, tu sais, il est quand même là. Oui. T'sais, c'est pas comme si on le voyait une minute, là, t'avais fait un spécial avec je sais plus quel acteur, puis il apparaissait comme 30 secondes dans le film ou quelque chose de même. Ah, oh, je me souviens pas. Oui, c'était avec Casino Royale. On avait fait l'épisode. Oui, t'as pu, c'était Belmondo. Ouais, c'est ça, Belmondo, puis on le voyait vraiment pas. Fait que je pense que moi, mon lien est déjà plus fort que le tien. Oui, ben là, on va le dire. Je pense qu'on parle de Mark Ruffalo. Puis les deux films, je te laisse les nommer. Le premier, le classique, c'est Collateral de Michael Mann avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Et pour de l'autre côté, nous avons Le Dentiste de Brian Yuzna. J'ai oublié le nom des acteurs, mais il y a Mark Ruffalo. L'acteur principal, c'est Corbin Burnson. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu forcément dans d'autres choses, cet acteur-là. Mais il y a un visage que je me dis, mais semble que je l'ai vu ailleurs pareil. Oui, c'est ça exactement. T'sais, quand j'ai entendu le nom, quand j'ai vu le nom sur la pochette, j'ai fait « Ok, oui, je sais c'est qui ». Mais je voyais la face dans ma tête, mais c'est pas un gars que je suis capable d'identifier par rapport à un film en particulier, peut-être à part Le Dentiste. Puis, mais il n'y a pas de rôle sinon à part ça en particulier. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de télé, puis des petits films. Il a fait de même, mais quand tu regardes sa filmographie sur IMDb, tu fais « Ouais, je suis pas capable d'y mettre quelque chose en particulier. » Trop de rôles secondaires, j'imagine. Probablement, oui. Mais comme il y a plusieurs, ben pas plusieurs, mais il y a une couple d'autres personnages dans ce film-là aussi, qu'ils m'ont fait ça, le visage m'a fait « Ah, oh, j'ai déjà vu quelque part. » Ouais. Mais sinon, ben c'est ça. Puis, fait que c'est ça, les deux films de ce soir, de ce soir d'aujourd'hui dont on parle. Et fait que je pense qu'on va enchaîner tout de suite. Avais-tu d'autres choses à ajouter sur le sujet avant qu'on enchaîne? Non, ready? D'accord, alors commençons le match de bras de fer. Collateral est un film de 2004 réalisé par Michael Mann et écrit par Stuart Beatty. Le film met en vedette Tom Cruise, Jamie Foxx et Jada Pinkett Smith. Le film raconte l'histoire de Max Durocher, un chauffeur de taxi qui roule la nuit dans les rues de Los Angeles et qui rêve d'une vie meilleure en se disant que ce travail-là n'est que temporaire. À un moment donné, il prend dans son taxi un passager qui lui dit qu'il a 5 stops à faire durant la nuit et qu'il va le payer une grosse somme pour l'accompagner toute la nuit. Et au fil des événements, assez tôt dans le film, Max, joué par Jamie Foxx, va se rendre compte que son client, joué par Tom Cruise, est un tueur à gages. Et là, les choses vont prendre une tournure assez déroutante. Et donc, on écoute un extrait du film et on revient tout de suite avec la discussion. Je compte pas faire ça toute ma vie, c'est juste le temps de me retourner. En attendant de passer à autre chose, c'est du provisoire. Il y a longtemps que vous êtes taxi? Ça va faire 12 ans. Premier séjour à LA? Oui. Je suis là pour une transaction immobilière. Ça doit se régler dans la nuit. J'ai 5 visites à rendre. Je récupère des signatures, je vois des amis et je redécolle à 6 heures. Pourquoi vous restez pas avec moi? Parce que la voiture est pas allouée. Je paie $600. J'en sais rien. Je crois que si. 600? Parfait, marché conclu. C'est quoi ton nom? Max. Max. Et moi, Vincent. On voit vraiment qu'il est pas du coin. Oh non! Mon Dieu! Ça va? Putain! Il est tombé sur la bagnole. Je crois qu'il est cané. Je confirme. Vous avez tué ce mec? Non, j'ai tiré sur lui. Les balles et la chute l'ont tué. Tu tiens le volant. Je fais ma tournée. Et tu vois le jour se lever. Je peux pas vous balader pendant que vous flinguez à tout va. C'est pas mon job. Cette nuit, ça l'est. Donc, Collatéral, moi, tout de suite d'emblée, je vais le dire, c'était ma première fois. Je pense que avant ce film-là, j'avais juste vu un seul film de Michael Mann, et c'est Manhunter. Je pense pas n'avoir vu d'autres. Et toi, ton histoire, Steven, avec Collatéral, c'était quoi? C'est un film que j'ai découvert à l'époque lorsqu'il est sorti, parce que j'ai tout le temps été un gros fan de Tom Cruise, et j'ai tout le temps beaucoup aimé aussi Michael Mann, évidemment. Puis c'est un film qui m'avait fait une très forte impression, j'avais vraiment adoré à l'époque. Puis depuis ce temps-là, ben, c'était devenu mon film favori de Michael Mann, alors que la plupart du monde préfère normalement Heat, qui est considéré pas mal comme son plus grand chef-d'œuvre. Fait que quand tu m'as dit que tu l'avais jamais vu puis que tu connaissais plus ou moins la carrière de Michael Mann, puis que tu avais vu justement juste Manhunter. Ce qui est drôle, alors que moi, je viens juste de découvrir l'année passée pour la première fois Manhunter, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais en même temps, je trouve qu'on ne voit pas forcément encore la personnalité du réalisateur avec Manhunter. Là. Je trouve que c'est avec ses films suivants qu'on va plus voir un peu ses thématiques puis son style de réalisation. Fait que... Ben, on va checker sa filmographie. Je me rends compte que j'avais déjà vu le dernier des Mohicans aussi. C'est un film que j'ai déjà vu au cinéma. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié de rien des moins. Yeah. Mais Manhunter, ben, tu dis ça, puis moi, dès le départ avec Collateral, j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait une soundtrack qui était extrêmement importante. Tu le sens dès le départ, dès la première scène avec Jamie Foxx et Jada Pinkett Smith, qui est une passagère dans son taxi, puis avec qui il y a une discussion vraiment, vraiment, mais vraiment intéressante. Je trouvais que c'était une de mes scènes préférées de suite en partant. Là, je sais pas, okay, oui. Ça va être dur à topper cette scène-là. Pour moi, c'est un des plus beaux moments romantiques que j'ai vu. Oui, c'était une très belle scène. Au cinéma. Et la chanson qu'il joue, là, je la connais pas, mais je trouvais que ça ajoutait, ça venait placer l'ambiance, le mood là, de manière tellement efficace. Là. Puis je me dis, tu sais, c'est la musique dans les films de Michael Mann, j'en ai juste vu 3 donc de ses films. Et je me rappelle pas pour le dernier Mohican, mais je me rappelle pour Manhunter avec sa fameuse finale avec la chanson Inagada da Vida du groupe Iron Butterfly, qui est vraiment, ouais. vraiment dur à battre cette scène-là, puis qui a été parodiée, en tout cas, qui a été, que j'ai vu référenciée à d'autres places. Et je trouve que son utilisation de la musique est tout le temps très judicieuse, puis c'est le cas dans Collateral. Du début à la fin, toutes les chansons ont leur place dans le film. La musique ambiante ou les chansons qui jouent dans, à la radio dans le taxi, ça a tout le temps sa place, ça a tout le temps une raison d'être. Puis ça, pour moi, c'est une particularité du réalisateur, selon moi. Là. C'est jamais là juste pour plomber le film de musique. Là, tu sais, t'as bien des films qui vont mettre bien des classiques ou des chansons connues sans aucune raison valable. C'est juste là pour mettre une soundtrack cool, puis c'est tout. Là. Mais dans dans Collateral, t'as vraiment l'impression que ça a une utilité, puis ça apporte un plus à l'ambiance, justement, surtout dans le côté très nocturne du film. Quelques morceaux de jazz qui se jouent, puis je trouve qu'à chaque fois, ça fit tellement bien dans le décor. Ah oui, c'est un genre de musique, le jazz, qui... C'est ça, qui se prête tout le temps aux scènes nocturnes dans un film. Puis, non, sérieusement, c'est la musique là-dedans, c'est vraiment génial. Là. C'est une soundtrack que je pense qu'il doit s'écouter assez bien. Même, malgré son côté très diversifié, il y a du rock, il y a du jazz, il y a de la musique un peu cubaine à un moment donné, des sortes d'affaires, mais ça doit être quand même s'écouter assez bien soi-même là, en tant que disque. Là. Oui, je suis d'accord. Puis... Ça, je me rends compte, je me faisais la réflexion après le film, je disais, Tom Cruise, c'est drôle parce que je suis pas un aussi gros fan de Tom Cruise que toi, je l'apprécie quand même, mais je n'ai pas tout suivi non plus. Je me rends compte qu'il est tout... Dans ses grands films, souvent, il est comme mis en paire avec quelqu'un d'autre. Dès le départ de sa carrière, je veux dire, dans les années 80, avec La couleur de l'argent, avec Paul Newman, ou Cocktail avec James Brown. Ouais. C'est pas James Brown, c'est... James Brown? Non, c'est Brown, quelque chose. Bobby Brown? Il me semble que c'est Brown son nom, en tout cas, peu importe, c'est peut-être pas ça. J'ai un blanc de mémoire. Mais, puis tu sais, Cuba Gooding Jr., il est tout le temps là pour faire un peu, pour mettre en valeur son partenaire. On dirait qu'il prend pas trop la place quand il est avec un bon partenaire. Parce que Collateral, pour moi, c'est le film à Jamie Foxx. Ce n'est pas le film à Tom Cruise. Et j'aurais jamais pensé ça en voyant la pochette. La pochette met Tom Cruise en vedette, tu sais, puis en tout cas, dépendamment des pochettes qu'on voit, il y en a une qu'on voit Jamie Foxx, mais en général, tu vois tout le temps juste Tom Cruise, sa pochette, qui est, en tout cas, la pochette qui est sur IMDb, il est assis avec son gun, puis tu dis, OK, ça va être lui la vedette, mais c'est pas lui dans ma tête la vedette, c'est vraiment Jamie Foxx qui, du début à la fin, est génial. Alors que Tom Cruise, il est bon, mais c'est ça, il met en valeur l'autre, en fait, il est là pour, je sais pas, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais... En même temps, tu sais, c'est deux personnages complètement différents qui vont devoir, par obligation si on veut, passer la nuit ensemble. Puis, tu sais, d'habitude, dans ce genre de film-là, quand tu as deux personnages différents qui vont se côtoyer un long moment, puis ils vont finir par se tisser des liens, puis à se rassembler, tout ça. Tandis que là, c'est pas forcément deux personnages qui vont forcément tisser des liens, se comprendre, puis ça finit bien au bout du compte. Là, c'est plus un film où que... Chacun va emporter des points dans leur vie qui leur manquaient, qui vont leur apporter un petit quelque chose sans toutefois que ça devienne forcément de bons amis. Tu sais, Jamie Foxx là-dedans, c'est quelqu'un, comme tu disais, qui rêve de s'ouvrir une compagnie de limousine, puis que ça, son truc de taxi, c'est juste secondaire pour faire ramasser de l'argent pour partir sa business. Mais tu sais, ça fait 13 ans qu'il fait ce travail-là, supposément secondaire. Puis c'est quelqu'un qui a de la misère à foncer, puis veut pas, même si les situations dans lesquelles Tom Cruise va les mettre, le mettre, sont pas forcément agréables, c'est qu'est-ce qui va y donner un peu comme motivation, puis comme courage qu'il a jamais eu, en fait, d'essayer de sortir de sa zone renfermée, puis de vouloir foncer un peu pour avancer, parce que veut pas, son taxi est un peu sa caverne, c'est là qu'il est enfermé, c'est sa bulle, il est là, puis il est juste bien dans son taxi, c'est comme son moment qui s'évade de tout, puis en même temps, c'est pour ça que ça fait 13 ans qu'il est là-dedans, parce qu'en dehors du taxi, on dirait qu'il y a de la misère à fonctionner avec sa mère qui est tout le temps après lui, puis que t'as pas l'impression qu'il veut tellement pas la décevoir, mais qu'il compte des mentries sur sa carrière. Oh oui, c'est un peu comme le gars qui passe ses journées devant la TV ou bien pas, c'est un échappatoire à la vie réelle. Là. Ben c'est ça, il se fait des fausses idées. Il arrête pas de se dire, oui, un jour ça va être ci, un jour ça va être ça, mais finalement, il fait rien pour que ça l'avance. Puis c'est un peu ça. Gros, quand il arrive dans sa vie, ben c'est un peu le coup de pied dans le cul qu'il avait besoin. T'sais. Ben c'est ça, il va un peu lui faire réaliser ça, puis il va venir briser sa zone de confort dans le taxi. Là. Son havre de paix va devenir autre chose. Puis comme tu dis, c'est pas une relation d'amitié tant que ça, parce que ça va prendre des tournures assez noires, assez sombres. Puis c'est ça, la relation est assez complexe. Puis j'aime ça comment est-ce que Tom Cruise le joue, parce que tout au long du film, il faut que tu le trouve assez sympathique pour pouvoir le suivre pendant 2 heures, même si on a déjà Jamie Foxx qui est un personnage fort, un personnage principal fort, puis t'es déjà attaché à lui, ça te prend quand même une certaine sympathie pour l'autre en arrière, tu sais. Qui joue le méchant, veut pas. Qui joue le méchant, mais il faut qu'il reste aussi méchant, parce que c'est sa nature, puis c'est un genre de T-1000, tu sais, dans un sens, tu sais, vers la fin, en tout cas, il devient ça un peu, puis sans vouloir tout spoiler, mais c'est un peu ça, tu sais, puis il y a quelque chose de très dangereux tout le temps là, dans sa personnalité, puis il faut qu'il demeure aussi menaçant pour le spectateur, puis je pense que ça marche. C'est surtout... Oui, excuse-moi, vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est ça, cette balance-là entre le sympathique puis le très dangereux, il l'a bien quand même, Tom Cruise l'a très bien. Là. Oui, surtout que c'est un tueur vraiment de sang-froid, puis très indifférent, t'sais. Tout semble lui... Il semble se foutre de tout le monde, t'sais, un job, c'est un job, puis il va tuer le monde juste parce que c'est sa job, puis il va être payé. Puis t'as Jamie Foxx qui pose des questions, puis il dit « Mais pourquoi tu l'as tué? Qu'est-ce qu'il avait fait? » Puis Tom Cruise, même là, on dirait qu'il s'est jamais posé ces questions-là, fait qu'il la regarde avec un air, puis c'est comme « Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu les connais même pas. » Puis c'est ça, je dis, quand les deux, ça porte des contrats, tu sais. C'est comme si le personnage de Tom Cruise, il n'a jamais eu de conscience. C'est quelqu'un de très solitaire dans sa solitude. Il ne prend jamais contact avec personne. C'est vraiment devenu juste quelqu'un de machinal. C'est un robot. C'est un robot. Puis on dirait que Jamie Foxx est là par moment pour arriver à y faire réfléchir et à prendre conscience sur certaines choses qu'il n'avait jamais pris la peine de réfléchir en tant que tel. Fait que je trouve ça intéressant de voir dans les deux sens qu'est-ce que les personnages vont s'apporter. Puis c'est pas quelque chose qu'on s'attendait forcément. Puis, c'est l'aspect le plus fort de Collateral, parce que quand on regarde le synopsis en tant que tel, c'est une histoire bien simple que je pense qu'entre les mains d'un autre réalisateur, on aurait juste été dans un film banal d'action. Tandis que là, l'action, c'est pas la priorité, c'est le développement des deux personnages, puis leur dialogue, puis c'est tout le temps les moments les plus intéressants du film. Chaque dialogue entre Tom Cruise puis Jamie Foxx, moi, j'adore, je les trouve super intéressants, puis il y a tout le temps des métaphores, puis des trucs à élaborer, puis vraiment, Michael Mann s'intéresse beaucoup là, à ses personnages, puis il fait toujours attention. Puis c'est la transformation psychologique de Jamie Foxx, comme on dit depuis tantôt. C'est surtout ça, moi, qui est plus que celle de Tom Cruise, parce que Tom Cruise, il va demeurer quand même le méchant, puis il va demeurer quand même le tueur du début à la fin. Mais tu sais, Jamie Foxx, quand il s'en va rencontrer le gangster qui s'appelle Félix, qui est joué par Javier Bardem, il y a dans cette scène-là une transformation de sa personnalité. Là, il a atteint un point pas de non-retour, mais il a atteint un point où ce que là, il est capable tout à coup de faire sortir la personnalité dure en dedans de lui, de faire sortir l'improvisateur en dedans de lui. Puis il y a un changement là, dans cette scène-là, à un moment donné, puis là, tout à coup, il prend le contrôle de la situation un peu. En tout cas, pas complètement, mais tu vois l'évolution tout à coup là, dans sa personnalité. C'est surtout, moi dans ma tête, c'est vraiment lui là, qui porte le film au complet. Là, au complet. Tom Cruise aussi, mais c'est surtout Je comprends ce que tu veux dire en termes d'importance du personnage puis la vedette. Puis c'est vrai que c'est quand même étrange. Lorsque tu vois les affiches, que ce soit juste Tom Cruise, tu vois pas Jamie Foxx, parce que... Mais il était pas connu à l'époque tant que ça, je pense. Oui, peut-être, ça se peut fort bien. Il n'avait pas encore fait Ray, je pense, puis il était pas très connu. Mais tu sais, il a été nominé aux Oscars pour ce rôle-là. Ouais, mais c'est ça, ça devait pas être quelque chose que... Il a pas fait grand-chose avant ça, tu sais, je pense. Non, c'est ça, mais j'imagine que sa prestation a eu une forte impression sur le public, puis sur les gens des Oscars pour qu'ils soient nominés en même temps. Là. Puis tu sais, on le voit, je pense... Il y a juste sur le nouveau Blu-ray que j'ai acheté qu'on peut le voir sur la pochette, puis c'est une pochette qui a été refaite pour ça, mais sinon, les autres affiches, il est pas vraiment présent dessus. Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, quand le film est sorti, c'est surtout Tom Cruise qui marquait les esprits des gens, parce que là, on voyait Tom Cruise dans un rôle de tueur de sang-froid, puis que ça faisait un peu différent de ce qu'il faisait d'habitude à jouer les gros héros de classe ou le charmeur, tandis que là, il a les cheveux gris, il porte un gros habit gris maussade, puis il allait un petit peu à contre-courant de ce qu'il faisait à l'époque, puis... non seulement c'était rafraîchissant pour sa carrière, mais dans le film, moi, j'adore beaucoup Tom Cruise dans celui-là. Je le trouve vraiment badass. Puis j'aime beaucoup son personnage puis sa manière de jouer ce tueur-là qui est vraiment comme une certaine classe en étant, comme on disait, très, très froid puis comme une machine. Fait que... Puis mais il y a les couleurs d'un robot quasiment. Comme tu dis, il est tout en gris. Il y a, la couleur métallique d'un robot. C'est ce qui me fait penser un peu à Terminator, tu sais. Mais... puis il y a un peu l'attitude de ça vers la fin du film. Mais c'est ça, c'est pas un film, ça c'est juste mon opinion à moi, là. C'est pas un film où il faut que tu cherches non plus le réalisme, parce que ça reste un film policier standard avec tous les clichés de la policier un peu, là, avec l'enquête et tout ça, mm-hmm. puis les rebondissements qui vont avec. Puis c'est surtout l'aspect justement de Tom Cruise qui pour moi clashait un peu avec ce que j'avais aimé du début du film, la scène avec Jada Pinkett Smith, c'est le côté réaliste puis côté très tendre et très beau de leur discussion. Puis il y a ça tout le long du film avec Tom Cruise. Mais t'as le côté aussi visuel de Tom Cruise qui, à mes yeux, est très cartoon. Son costume, ses cheveux, tout ça, qui fait... C'est juste la scène où, comme il rentre dans l'hôpital avec Mark Ruffalo, là, puis il y a ses lunettes de soleil. Puis je me dis, OK, toi, là, tu viens... C'est tellement écrit dans ton front que t'es un tueur à gages, là. Tu pourrais porter un badge, là, sur ton veston, c'est marqué « Bonjour, mon nom est Vincent, je suis tueur à gages. » C'est quasiment ça, son costume, puis son allure, ses cheveux, ses lunettes de soleil. En même temps, c'est Los Angeles, je comprends que les gens sont excentriques. Je suis déjà allé, j'ai déjà vu du monde assez coloré à Los Angeles. Mais n'empêche que je trouve que c'est écrit dans sa face que c'est un tueur à gages, puis ça, il n'est pas très, très subtil là-dessus. Puis ça fait un peu cartoon. Pour moi, ça clash avec le côté très... beau et très réaliste des dialogues et qui sont pas cartoon du tout, les dialogues, tu sais. Mais en même temps, je crois que le style vestimentaire et les couleurs choisies pour Tom Cruise vont un peu aussi avec le visuel et la mise en scène de Michael Mann, qui est quelqu'un qui de base est surtout reconnu pour sa manière très unique et fabuleuse de filmer les villes. Ce gars-là, il a une manière de filmer une ville comme on les a rarement vues, puis c'est ce qu'il fait avec Los Angeles. Puis je crois que la manière qu'il filme les scènes de nuit avec les couleurs de la ville, tout ça, ça met... Le fait que Tom Cruise soit tout en gris, je pense, c'est encore plus frappant à cause de ça. Je crois que ces couleurs-là ont une utilité particulière dans le visuel de Michael Mann. Mais ça, j'avoue que c'est très, très beau. Là. Pour Los Angeles, là, c'est un des films où c'est le mieux filmé. Ça me fait penser un peu à Drive aussi, qui se passe mm-hmm. à Los Angeles, qui est toute de nuit. Je pense que Drive doit beaucoup à Collateral au niveau visuel dans les scènes de nuit. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Puis ben, on peut en parler aussi. C'est un des précurseurs des films digitales, des films digitaux, je devrais dire. Oui. Tourné en digital, tu sais. Je lisais un peu là-dessus aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est le Mann et son directeur photo ont comme expérimenté avec Ali l'année d'avant ou deux ans avant. Puis là, ils ont vraiment... Ils se sont donnés à fond dans le digital avec ce film-là, avec Collateral, puis ça a marqué beaucoup l'industrie, puis ça reste encore un film pionnier là-dedans. Ça paraît beaucoup, parce que moi, à l'époque, je l'avais vu en DVD, il n'y avait pas de Blu-ray, puis maintenant, depuis que je l'ai revu en Blu-ray, là, on peut vraiment profiter pleinement de la photographie, puis du côté, justement, visuel, digital. Je pense que là, il en ressort vraiment tout le travail qu'ils ont mis derrière tout ça, puis le film est vraiment visuellement incroyable. Oui, moi, j'ai un parti pris pour la pellicule. Moi, j'étais un gars qui préfère visuellement la pellicule, mais je l'ai regardé sur Netflix, le film il est très très beau, puis je le voyais que c'était tourné en vidéo, là, tu vois que c'était du digital, c'était pas de la pellicule, puis ça, j'étais comme ok, tu sais, ça, je comprends aussi les arguments, comme je disais, j'ai lu un article, puis les arguments c'était comme c'est pour filmer la nuit, pour filmer les scènes de la noirceur, tout ça, le vidéo est meilleur que la pellicule, puis ça je peux comprendre, là, mais c'est une question de choix, puis c'est correct, là, mm-hmm. Mais j'enlève pas du tout le côté innovateur du film, puis c'est vrai qu'il est très, très beau visuellement. Là. Sinon, il y a des scènes... moi, il y a beaucoup de scènes que j'aime beaucoup dans ce film-là, que j'y trouve vraiment vachement mémorables. Il y en a une que tu as mentionnée, justement, où que après deux kills, je pense, que Tom Cruise a fait, ou un, je suis plus trop certain, il va dire à Jimmy Foss, gars, on est en avance, on va aller prendre un petit verre dans un club jazz où apparemment il y a plein de grandes vedettes qui sont allées, puis je te paye un verre, puis on va aller relaxer là. Puis là, en même temps, ils vont faire la rencontre d'un des un des hommes qui est dans le groupe de jazz là-bas, qui joue de la trompette, puis là, c'est le propriétaire de la place. Tom Cruise va demander à la serveuse de venir, puis on va avoir une conversation sur Miles Davis. Miles Davis. Puis toute cette scène-là, je la trouve géniale. Je sais pas, il y a un côté vraiment... Pendant un instant, tu vois Vincent, puis tu vois plus forcément le côté robotique puis le tueur. Pendant un instant, ouais. Tu peux voir qu'il y a vraiment quelque chose qui le passionne puis qui l'intéresse. Non, je suis d'accord, c'est le côté humain du personnage qui ressort. Là. Mm-hmm. Puis t'sais, même Jimmy Fox, pendant un instant, il est absorbé par l'histoire et la conversation, puis on dirait qu'il oublie quasiment qu'il est en otage. Là. Ouais. Puis là, il va avoir un revirement, puis la scène, elle tourne. T'sais, pendant un instant, je la trouve vraiment bien faite, cette scène-là, parce que pendant un instant, comme je disais, c'est là que tu vois le côté humain du personnage de Tom Cruise qui ressort, puis en deux secondes, paf, ça brise, puis il redevient en mode... de monsieur sans froid, sans sentiment qui vient d'abattre quelqu'un qui pour lui valait juste absolument rien. Puis je trouve qu'il y a un bon suspense justement dans cette scène-là, le côté jouer avec la question, si tu réussis la question, je te laisse aller, sinon je te tue. Puis, c'est à se demander s'il aurait laissé partir réellement s'il y aurait eu la question. Non, je pense que non, tu sais, puis c'est un peu ça que Jimmy Fox lui dit. Mm-hmm. Dans le fond, il a comme triché un peu sur la réponse. C'est pas triché, mais c'est comme... Il est comme un peu sur un détail là, qu'il a tué. C'est un détail, mais tiens, au bout du compte, il avait quand même raison, même si c'est un détail près que finalement c'était à une autre place que tout a pris. Mais tu sais, je veux dire, ouais, mais... logiquement, il aurait pu ne pas le tuer. Non. sinon, il y avait aussi. Le film en tant que tel, je trouve que c'est un film au pacing lent, mais qu'on s'emmerde jamais parce que, comme je disais, les conversations sont intéressantes. Mais niveau action, il y a quand même une grosse scène que moi, je la trouve super bonne. La scène est très réussie au niveau montage, réalisation. Puis c'est la scène du club quand Tom Cruise va assassiner son avant-dernière victime puis qu'il rentre dans le bar avec Jimmy Fox. Puis t'as les policiers qui vont être là, plus les employeurs qui ont engagé Tom Cruise, qui vont suivre Jimmy Fox pensant que c'est lui, Vincent. Puis t'as comme plein de trucs qui se passent en même temps dans cette scène-là pendant que Tom Cruise élimine d'autres personnes. Puis moi, je la trouve vraiment super réussie en termes d'action puis satisfaisante. Là. Ouais, tu vois, c'est peut-être parce que je m'endormais ou parce que je sais pas, tu sais, mais c'est le genre de scène qui me perd un peu, que je trouvais qu'il y avait trop d'affaires qui se passaient en même temps, puis j'arrivais plus à suivre hein, qui était qui ou qu'est-ce qui se passait à l'écran. Puis, OK. J'étais comme juste un peu tanné à un moment donné après quelques minutes, là, de juste voir du monde debout dans le bar à se bousculer les uns des autres, puis à plus savoir c'est qui que je vois. Là, puis, mais enfin, c'est juste une question de que moi, c'est pas mon genre de scène, mais en tout cas. Ah, c'est correct. Mais. Non, vas-y. On fait un spécial Ruffalo, mais on n'a pas parlé, mais ben, j'ai joué le policier. Ouais, j'allais y venir, c'est ça. Mais il y a comme deux films dans ce film-là, en fait, selon moi. T'as le film avec Vincent puis Max, puis t'as le film qui suit les policiers. Puis je trouve que ça se marie jamais tellement bien, ces deux affaires-là. Ça brise un petit peu le rythme. Puis que j'aurais quasiment préféré qu'on reste pendant deux heures avec Tom Cruise puis Jamie Foxx, mm-hmm. sans vraiment savoir ce que la police sait puis ce que la police pense d'eux autres. Je pense que ça aurait peut-être ajouté plus de suspense encore, de savoir, de juste entendre des sirènes de temps en temps ou de savoir qu'ils sont poursuivis, mais sans avoir de visage pour les policiers. Je sais pas, c'est une idée de même, là. Non, mais je te dirais, c'est un peu le point faible du film, moi, l'enquête policière qui, comme je dis, brise un petit peu le rythme. C'est pas mauvais ou c'est pas raté. C'est très standard. Moi, c'est ça, un petit peu standard, puis... Puis ce que je trouve plate, c'est qu'on... Là, je vais spoiler un peu, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, à un certain point du film, tout ça, il est comme laissé tomber. Puis ça se termine vite, je trouve, tu sais, l'histoire avec les policiers, tu sais, mm-hmm. Tu suis ces personnages-là, puis à un moment donné, bang, c'est fini. Puis je comprends là, que dans la vraie vie, s'il se passerait ça, ben c'est fini aussi. Là, la personne meurt, tu sais. Mais... Ouais, mais en même temps, qu'est-ce qui arrive avec Marco Fado, c'est comme le point de Naruto, c'est ça qui va comme pousser un peu Max à agir comme il va agir, puis justement à Tom Cruise à expliquer que tout ça, c'est de la merde, tout vaut rien, puis que personne vaut rien, puis que... on fait tout ça pour rien. C'est là, dans le fond, que Tom Cruise va littéralement s'attaquer au point personnel de Max, qui va le briser, puis genre littéralement comme le blesser par ses points faibles. Oui, c'est vrai. Puis j'étais juste content de voir aussi, parce que Mark Ruffalo, il y a un partenaire avec lui qui s'appelle, ben, en tout cas, peu importe le nom du personnage, mais qui est joué par Peter Berg, c'est un acteur, et aussi oui. un réalisateur de films, qui a réalisé entre autres Friday Night Lights, puis... Kingdom, je pense. The Kingdom, puis Battlefield, en tout cas, toutes sortes de films. Il y a Very Bad Things aussi avec Christian Slater. Ouais. Puis est-ce que c'est un acteur que moi j'ai vu en masse là, dans ma vie, dans la vieille série Chicago Hope, entre autres, il a joué pendant 6 ans là-dedans. Mais c'est ça, non, j'étais juste content de le voir, on le voit pas assez souvent. Puis même si c'est un film qui date déjà de 11 ans, je trouvais que c'était le fun de le voir. Ça passe vite, hein, c'est un film, comme tu dis, qui date de 11 ans, je le réécoutais, puis j'avais l'impression juste de regarder une nouveauté qui est sortie aujourd'hui. Le film. Il n'a pas pris vraiment une ride en 10 ans, tandis que t'as d'autres films après 3 ans, tu vois déjà que c'est un film qui date de quelques années. Ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais qu'un film est pris pour son côté réaliste, qu'il y a pas, tu sais, dans le film, il n'y a aucun, je pense, effet CGI, là, pratiquement. Là. Peut-être quelques petits green screen pour la scène du train, mais sinon, à part de ça, le reste du film, tu sais, c'est tout fait effet pratique, puis ça serait inutile de toute manière. Oui. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des petites touches d'humour dans le film. J'aime beaucoup la première fois que Max va voir, dans le fond, la vraie nature de Vincent, parce qu'il va aller tuer le premier gars, mais par malchance, le gars va tomber par la fenêtre puis va tomber sur le taxi où Tom Cruise lui a dit d'aller attendre en attendant. Puis Max va le regarder, va dire « C'est toi qui l'as tué? » Puis là, Tom Cruise va juste répondre « Non, j'ai juste tiré dessus, c'est la chute puis la balle qui l'a tué. » je trouvais ça vraiment drôle. Ou t'as comme aussi la scène que t'as le patron de Max au CB qui arrête pas de l'engueuler puis de tirer comme de la merde. Puis là, encore là, c'est comme le coup de pied dans le cul que Max que Vincent va donner à Max pour pas se laisser marcher sur les pieds par son boss puis lui dire d'aller carrément se faire foutre. Puis c'est une autre scène que j'aime beaucoup. Puis tu sais, en même temps, t'es là puis tu te rends compte que Vincent. Il a l'air de se foutre de tout, mais en même temps, c'est pas forcément le cas. T'sais, il y a souvent des prises de conscience, puis à ce moment-là, il veut pas y être Jamie Foxx. Puis il prend un peu sans défense en faisant ça. T'sais, pourquoi il prendrait la peine de faire ça s'il s'en foutrait autant? Non, je sais bien, il y a des... Fait que tu as comme des petites prises de conscience par moment qui font un peu du sens avec son personnage. Puis qu'est-ce que t'as pensé, toi, la scène avec le renard qui traverse un peu les... La rue de Los Angeles, un côté un peu surréaliste, parce que je pense pas que ce soit quelque chose qu'on doit voir assez régulièrement, là, un renard qui se promène dans les rues de Los Angeles. Ben, quoi que ça se pourrait. Je pense que la nuit, à 3 heures du matin, 4 heures du matin, j'étais pas trop surpris. Je me dis ça se peut. J'ai un ami Facebook récemment qui a filmé un renard dans les rues de Montréal, là, le matin de bonheur. Il a mis ça sur son compte Facebook. Puis j'en vois ici, moi, chez nous, j'ai vu des renards le matin se promener. Fait que non, c'est pas... je pense que dans une grande ville... Puis comme il dit, à un moment donné, c'est pour justifier pourquoi est-ce qu'il y a une brisure dans sa vitre de char, il dit à des policiers qu'il s'est fait frapper par un cerf. Ouais. Fait que, tu sais, les autres n'ont pas l'air de trop de le croire à cause du quartier qu'ils nomment, mais tu sais, en tant que tel, un cerf, ça se peut peut-être à Los Angeles, là, un cerf perdu. Quoique ça peut être un peu étrange, mais mm-hmm. Les renards, ben tu sais, il y a des montagnes tout autour aussi, en Californie, il y a des montagnes. En tout cas, peu importe. Mais c'est ça, tu sais, puis. Fait que je sais pas quoi en penser exactement du niveau symbolique de ça. Juste l'idée d'un renard là dans la rue, ça me surprend pas, mais au-delà de ça. La symbolique de ça, quand il y a des trucs symboliques dans un film, je me trouve pas assez intelligent pour les comprendre. Fait que je vais juste le regarder pour ce que c'est. Puis, mais je sais pas trop quoi en penser exactement. J'ai juste trouvé ça beau comme scène, comme moment. Mais... Ben, pareillement, je te dirais, c'est une scène qui a une certaine émotion sans forcément, en tout cas pour ma part, moi aussi, de savoir exactement qu'est-ce que ça signifie. Mais tantôt, je disais, puis je reviens sur quelque chose que je disais sur les personnages de Mark Ruffalo puis Peter Berg. Un moment donné, Mark Ruffalo fait la réflexion que... Je me souviens plus exactement de quel indice qu'il y a eu pour penser à ça, mais il s'est mis à penser à un cas précédent où un chauffeur de taxi, aurait tué 3 personnes dans une autre ville ailleurs, aurait tué 3 personnes et se serait suicidé par après. Mm-hmm. Puis on comprend là que le personnage de Vincent, de Tom Cruise, a déjà fait ça d'abord dans cette ville-là, parce qu'on comprend que c'est lui qui a probablement fait ça, t'sais. Mais il mentionne aussi à un moment donné que... Parce que Jimmy Foxx, il demande si c'est ta première fois, il dit non, puis à chaque fois, j'ai juste hâte de m'en aller. parce qu'il aime pas cette place-là. Ouais, mais tu sais, il dit pas clairement que qu'il avait utilisé le même, comment on dit en latin, le même modus operandi, là, la même méthode de travail, c'est-à-dire de prendre un chauffeur de taxi, puis dit, mm-hmm. Tu sais, c'est avec Mark Ruffalo qu'on réalise que c'est ça, c'est la même technique qu'il avait utilisée. Il avait pris un chauffeur de taxi pour la nuit pour faire ses meurtres, puis après ça, le tuer. Fait que là, c'est là, à ce moment-là, qu'on comprend que Max est en danger, qu'il s'en sortira probablement pas, que s'il fait s'il suit au complet toute la nuit, ben, il va se faire tuer, puis il va le faire passer pour un suicide. Moi, c'est ça que j'ai compris. Ben, en même temps, il laisse aucun témoin, vraiment. Là. T'as, mm-hmm. t'as juste la scène où que Max est attaché dans le taxi, puis il va essayer d'appeler de l'aide, puis t'as juste une gang de crapules qui arrivent, puis qui viennent pour le voler, le comble de la malchance pour lui, puis ils vont voler la manette de Tom Cruise, ouais. Chose qu'il fallait pas faire non plus. Puis Tom Cruise va les abattre, mais vraiment de sang-froid. En même temps, tu veux tellement croire que Vincent, il est pas si mauvais que ça en dedans de lui qu'il va le laisser survivre, tu sais. Mais par moment, t'as l'impression qu'il va le laisser survivre. Mais tu sais, je veux dire, après l'accident du taxi, à la fin, il aurait pu juste comme l'achever puis s'en aller. Mais il le fait pas. Ouais, mais rendu là, ils ont déjà vécu beaucoup de choses. Mais moi, c'est ce que je voulais dire, c'est ça, c'est vraiment la passe avec Mark Ruffalo qui m'a fait comprendre que là, okay, que Max était vraiment plus en danger que je pensais, que là, il pourrait mm-hmm. pas s'en sortir si Tom Cruise faisait exactement ce qu'il avait prévu de faire, tu sais. Lui, ce qu'il a prévu de faire, c'est aller tuer ces 5 personnes, puis tuer le chauffeur de taxi. Puis, fait que c'est juste là, selon moi, l'utilité du policier pour moi. Là. Sinon, à part ça, c'était une enquête standard, puis c'est des personnages que j'aurais pas nécessairement laissé là. T'sais. Ils ont pas la même attention puis valeur que nos autres personnages, que Max ou Vincent dans le film. C'est ça qui est dommage, parce que tu sais, si l'histoire, ça aurait pu donner un film simple, ça va au-delà de ça, avec les dialogues puis les performances d'acteurs puis la réalisation de Michael Mann, tandis que lorsqu'on revient avec l'intrigue policière, ben c'est un peu banal face au reste, puis tu sais, ça aurait été le fun peut-être qu'il donne autant d'attention que l'autre côté du film. Là. Parce que tu sais, prends un exemple, mettons, c'est un exemple d'un film où ça marche, ce genre de dynamique-là, c'est Le Professionnel avec... Jean Reno. Mm-hmm. T'as un tueur à gages, t'as la personne qui l'accompagne qui est Nathalie Portman, puis t'as un policier qui le court après, mais qui est un fucking débile mental, joué par Gary Oldman, qui est drogué à mort, puis qui est encore plus dangereux que Léon. Fait que ça marche, cette dynamique-là, t'sais, de policier qui les suit, mais qui est vraiment marquant comme personnage, puis tu t'en souviens 22 ans après, 23 ans après la sortie du film, t'sais, qui est un des policiers les plus débiles du cinéma. Tandis que là, Mark Ruffalo, il est comme, ben, c'est un peu pouette-pouette, son personnage, c'est un peu... Ben, ça fait très CSI, dans le fond, ça fait oui. très comme... Ça fait très comme c'est parce que Michael Mann, tu sais, il mise tout le temps sur le côté très réaliste de ses films, il tente de faire en sorte que ça soit le plus réaliste possible, puis tu sais, c'est ce qu'il fait un peu avec l'intrigue policière, tu sais, c'est une intrigue policière typique qu'on verrait probablement dans la vraie vie, puis... Ça, comme je dis, ça fait très CSI, fait que c'est ordinaire, tu sais, c'est un peu banal. Oui. Sauf pour, en tout cas, mais sauf pour le look de Tom Cruise, pour moi, en tout cas. Là. J'en reviens là-dessus, mais ça brise le réalisme. Pour moi, je pense pas qu'un tueur à gages s'habille comme ça ou s'arrange de même. Ça, c'est trop évident dans sa face que c'est un tueur à gages. T'sais. Je sais pas, moi. Comment un tueur à gages, faudrait qu'il s'habille pour pas qu'il ait l'air d'un tueur à gages. Faudrait qu'il soit habillé comme en redneck ou en t-shirt. Monsieur, madame, tout le monde qui un peu comme un espion là, qui se fait pas remarquer pendant toute la foule. Je sais pas. Ben, je sais pas. Il me semble que les espions sont tout le temps habillés chic ou... Ouais, mais justement, c'est des mauvais espions. Un bon espion, il est pas supposé la remarquer. Mm. C'est pour ça que dans le film Spy de Paul Feig, ça marche super bien. S'il y a un tueur à gages qui nous écoute en ce moment, essayez de nous contacter puis nous dire comment vous vous habillez. Puis... ouais, ça me fait penser, petit caméo de 10 secondes dans le film, au début. Ben oui. Jason Statham. J'avais complètement oublié qu'il encore là, faisait une apparition. Encore là, c'était un comme je disais tantôt de Jamie Foxx qui n'était pas connu à l'époque non plus. À moins que je me trompe, mais Jason Statham, à ce moment-là, n'était pas vraiment connu. Non, mais il semble que sa carrière n'avait pas encore éclaté, là, parce qu'il est vraiment là juste 10 secondes. Là, fait que... Et t'as Javier Bardem dans un rôle relativement important, mais qui n'était pas connu non plus à l'époque. Ouais, c'est vrai. C'était avant son Oscar pour No Country for Old Men, puis c'était avant qu'il explose aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, je l'avais reconnu quand j'avais écouté aussi. C'est deux, trois personnages, deux, trois acteurs comme ça qui sont devenus des forces de l'acting, des piliers d'Hollywood maintenant, puis qui avant étaient, à ce moment-là, n'étaient pas encore connus, je pense. Non, en effet. C'est ça, au début que j'ai fait le saut, j'ai pas vu son nom en générique, lui, Jason. Puis... Ben, je pense qu'il ne mentionne même pas. Je pense que tu le vois juste dans le générique de fin. Là, vu ouais. D'habitude, les acteurs que tu vois à peine quelques secondes, c'est bien rare, tu vas le voir au générique du. Non, mais même sur IMDb, j'avais regardé un peu puis les acteurs principaux. Puis c'était comme, il me semble que je n'avais pas vu, mais il n'est pas là. Il faut que tu regardes le full cast au complet puis tu regardes à la fin, j'imagine. Ouais, il est vraiment bas, là. Puis. Sinon. Quoi d'autre? À part de ça, je veux pas. Moi, je voulais pas forcément aller dans les spoilers. Je pense pas que ça soit non, je pense que utile. Non. On en a spoilé un petit peu. Ah ben oui, ben tu sais, la relation avec tout ce qui a trait avec Jada Pinkett Smith. Comment tu trouves ça? Tu parles de la fin? Ben oui, la fin. Mais la scène du début, on en a parlé un peu. On a dit qu'on ben moi, j'ai adoré la scène du début. Encore une fois, comme tu dis, leur discussion, puis toute la route, elle fait très naturel, tu y crois. Puis je veux dire, quand il donne sa carte, tu t'attends à ce que les deux fassent un pas. Puis encore une fois, c'est Max qui fait pas les pas, puisqu'il est pas capable, puis c'est elle qui va le faire. Mais c'est un tour de force d'écriture, puis ça, je donnerais ça à des étudiants en cinéma. Dire, tu veux me faire rentrer dans un film là, en 5 minutes, là, écrit de même, écrit comme ça. Moi, ça me fait rentrer dedans tout de suite, là. Tout puis de suite. Moi, la fin, je trouve que ça fait... Bon, spoiler, écoutez pas cette bout-là. Mais moi, je trouve que c'est un bon petit twist. À l'époque, je m'y attendais pas que c'était la sixième victime. Puis en même temps, tu sais, là, à partir de ce moment-là, le film prend vraiment une tournure de thriller suspense, puis ça met un peu de côté tout le reste. Puis je veux dire, ça divertit. Moi, je trouve que c'est une bonne finale qui met en haleine. Puis j'aime bien la dernière phrase de Tom Cruise à la fin aussi pour terminer le film. Là, je trouve que ça fit dans le contexte de tout le film puis de sa personnalité. T'sais, il va pas. C'est pas parce qu'il a passé une nuit avec quelqu'un puis de différent à lui puis qu'il a peut-être donné quelques prises de conscience qu'il va changer pour autant ou devenir un bon. T'sais, ça reste quelqu'un qui a tout le temps été tout seul, qui va mourir tout seul dans le métro, puis tout le monde va s'en foutre comme lui il disait. T'sais, tout le monde s'en fout de tout le monde. Oui, c'est ça, puis ça revient exactement à la première phrase qu'il avait dit en rentrant le taxi, tu sais, il parlait de ça. Il avait fait cette anecdote-là sur l'histoire d'un gars qui était mort dans le métro, puis que ça a pris 6 tours de métro avant que quelqu'un se rende compte qu'il était mort, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est le genre de truc qui arrive pour de vrai dans la vraie vie, là. Je veux dire que c'est déjà arrivé à Montréal, là, qu'il y avait quelqu'un qui était mort, puis ça a pris foule de temps avant que le monde le réalise. Il était couché sur le banc du métro, puis je pense que ça avait pris comme 2 jours, quelque chose comme ça, avant que le monde se rende compte qu'il était décédé, là. Puis, juste pour revenir sur le twist avec Jada Pinkett Smith, je l'ai pas vu venir le twist, mais en voyant la scène du début, je savais que cette fille-là allait revenir. Je savais pas exactement de quelle manière, mais je savais que vu qu'elle était avocate, je me suis dit, puis vu qu'il y a sa carte, et à un moment donné, je me suis dit, Max, il va essayer de l'appeler. Ben, c'est ça. T'sais, peut-être qu'à la limite, tu vas dire à la fin du film, ça va finir que. Il va l'appeler puis qu'il va l'aider. Non, mais pas pour une date. Il va l'appeler pour l'aider parce que c'est un avocat. Ah, pour l'aider, ok. C'est un avocat, puis elle, c'est une avocate, je veux dire, pour l'aider légalement contre ce gars-là ou peu importe. Mm-hmm. Pour dire, viens m'aider, tu fais partie du département de justice, tu travailles pour le département de la justice, trouve-moi quelqu'un pour m'aider. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, puis je suis pris en otage. Il m'en est juste trouvé 5 minutes, même pas 2 minutes pour essayer de l'appeler. T'sais. Moi, j'étais sûr qu'elle a essayé, en tout cas. Non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est en pleine nuit. T'sais. C'est qui t'appelle en pleine nuit à 3-4 heures du matin? T'sais? Sauf que dans une situation d'otage, j'imagine que t'appelles pas mal n'importe qui. Là. Tu t'organises pour réveiller le monde. Là. Pas mal certain. Tu t'en fous un peu de l'heure puis ces choses-là. T'sais, surtout qu'elle, sa vie était en danger. Fait, t'sais, mais avant qu'il sache qu'elle est en danger, moi, je me disais, tout le long du film, je me disais, quand est-ce qu'il va utiliser la carte pour l'appeler elle, pour lui demander de l'aide? T'sais. Parce qu'il y a personne... En même temps, le film se passe réellement en une nuit. On n'arrive jamais dans le jour. Là. Tout le film se passe en soirée nocturne, pratiquement plus ou moins en temps réel, là, parce que le film dure 2 heures. Mais en même temps, tu dis, je pense pas forcément qu'il va l'appeler parce qu'elle doit être Au début, je me disais, elle doit être couchée, mais non, c'est vrai, elle spécifie qu'elle va travailler toute la nuit sur le dossier. Puis, Non, c'était juste parce que c'était à cause de sa job. C'est vraiment juste à cause de ça que j'ai pensé qu'elle allait la rappeler parce qu'elle était avocate, okay. Puis lui avait besoin d'aide. T'sais. Il y avait une situation délicate avec la justice. Un gars il savait qu'éventuellement il allait avoir des problèmes avec la justice. Il a vu des morts, t'sais. Il a vu du monde mourir devant lui. Fait que... Non, c'est ça. Puis la police qui découvre le cadavre dans le coffre, puis ces choses-là. C'est ça, t'sais. Il suffit pas de dire c'est pas moi, c'est un gars qui me prend en otage pour finalement que la police fasse ah, oh, ok, c'est correct, vous pouvez y aller, monsieur. Fait que c'est ça, tout ce que je me dis, c'est qu'il y a une carte d'une avocate dans ses mains, je veux dire, dans son char. Fait qu'en tout cas, peu importe. Mais j'ai pas pensé que ce serait la sixième victime. Sinon, t'avais-tu d'autres choses à rajouter sur un point non, en particulier? Je pense qu'on a pas mal fait un tour assez complet, là. Je suis pas mal d'accord aussi. Moi, je l'avais choisi dans le classique parce que je le considère vraiment comme un classique et ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir. C'est encore aujourd'hui, je te dirais, le film que je préfère de Michael Mann parce que par sa simplicité, il arrive pareil à offrir un produit qui est beaucoup plus complexe et intéressant que souvent d'autres films qui vont avoir le même genre de synopsis, mais que ça n'offre rien de plus qu'un banal film d'action. Puis j'adore les deux personnages principaux, puis les deux acteurs sont vraiment comme au top de leur forme. Il y a plein de scènes que je trouve super réussies. Comme tu dis, j'adore le soundtrack. Il y a beaucoup de chansons qui rajoutent beaucoup à l'ambiance nocturne qui est vraiment filmée de manière unique par Michael Mann. Fait que moi, c'est vraiment une grande œuvre au sommet de sa force. C'est drôle parce que Frank Darabont est producteur du film. Je me rappelais pas ça non plus, qui était impliqué dans ce film-là. Non, je savais pas. Mais non, c'est vraiment un classique que j'aime beaucoup, puis je le classe parmi les meilleurs films de Tom Cruise également. C'est une de ses meilleures performances que j'apprécie le plus. Ouais, ben, je suis d'accord avec pas mal tout ce que tu as dit, puis c'est ça. C'est très stylisé, c'est très beau visuellement. La soundtrack, moi, je suis tombé en amour avec ça, puis non, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé regarder. J'ai eu du fun tout le long, je me suis jamais ennuyé. C'est une histoire très, très entraînante, très enveloppante. Là, tu t'embarques là-dedans puis tu veux plus vraiment sortir. Même si il arrive plein d'affaires affaires dramatiques dans le film, tu veux rester avec ces deux personnages-là quand même. Puis tu sais, je donne tout le crédit tout le temps à Michael Mann, mais tu sais, veux pas les dialogues sont pareil écrits par le scénariste Stuart Beatty. Puis tu sais, quand je regarde les autres trucs qu'il a fait. Il y a une couple de films là-dedans que je suis vraiment pas intéressé. Il a écrit, exemple, le scénario de I, Frankenstein. Puis il a écrit d'autres films qui sont vraiment très mauvais niveau scénario, mais en même temps, tu sais que le gars il a du talent, parce que quand tu regardes Collatéral, il est capable d'écrire des vrais dialogues, puis des vraies conversations, puis des situations qui sont intéressantes, puis tu vas embarquer dedans. Fait que, non, il a vraiment fait une bonne job là, niveau scénario pour Collatéral, en tout cas. Tout à fait, puis... Mais on va le dire, le premier choix pour le nanar, on n'a pas réussi à trouver le film. Puis on voulait trouver un autre film de Stuart Beatty, justement, qui ne fit pas avec Collateral. Puis tu avais choisi Joey. Joey, puis c'était sa première réalisation, je pense, puis une des seules pratiquement. Ouais, c'est lui qui l'a réalisé en plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, il a réalisé I, Frankenstein aussi. OK. Qui est son deuxième film, hein, mon Dieu. Mais son premier film, c'est ça, c'était Joey, puis c'était un film familial avec un kangourou. Ouais. On n'a jamais réussi à le trouver. le film a disparu de la carte. Ouais. il aurait fallu acheter une VHS ou un DVD sur eBay. Là. Puis, j'étais pas motivé. Payer, je pense que c'était 20 quelques dollars. Mais en même temps. Pour Joey. Là. Film de Joey, c'était juste pour avoir une connexion, mais le film me tentait pas plus que ça pour acheter. J'ai vu Kangaroo Jack à l'époque, je pense que c'était en masse. Là. J'ai assez vu de films de kangourou dans ma vie juste avec ça. Il n'y a pas grand film de kangourou qui sont bons ou intéressants, à part peut-être la série Skippy. Là. Je l'ai écouté une couple de fois quand j'étais jeune. Ouais, moi aussi. Non, j'allais dire l'épisode des Simpsons quand Bart et Homer tentent de se sauver dans un kangourou, puis ils viennent pour embarquer dans la poche, puis c'est comme de la lue, puis là Bart est comme « Ah, c'est pas comme dans les petits bonhommes. » Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment de film de kangourou. Ah, mais je dois avouer que j'aime bien la scène des kangourous dans Wolf Creek 2, mais c'est pas très avantageux pour les kangourous, par contre. Je t'ai déjà entendu en parler, mais je n'ai pas vu le film. Fait que... Oui, ça l'a traumatisé Pierre. Lui, il a détesté cette scène-là parce qu'il n'aime pas voir des kangourous se faire écraser par un 18 roues. Mais... ben, s'ils sont en CGI, c'est pas si pire. Là. Non, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que Stuart Beatty, ben c'est ça, les dialogues, c'est vraiment génial dans ce film-là. Puis non, grosse surprise. Avec la pochette, je m'attendais pas à ça. Je trouve que le poster donne pas une bonne idée du film, selon moi. Tu t'attendais-tu comme pas mal plus un gros film d'action? Oui. Oui. Puis plus, ben j'avais aucune idée de l'histoire. En fait, j'avais checké un peu sur IMDb, mais j'avais pas vraiment fait attention au résumé. Fait que juste avoir Tom Cruise habillé comme il est habillé avec un gun sur l'affiche, je me disais c'est un film de gangster ou un film de c'est ça, d'action, là, tu sais, puis... Que Tom Cruise va prendre toute la place, puis c'est un ça. Peu comme à la mission impossible. Exact. Oh, oui. Puis c'est pas ça du tout, là, tu sais, s'il y en a qui... S'il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui pensaient ça, ben c'est pas ça du tout. Là, vous avez entendu parler du film, puis on l'a pas mal tout décrit, mais c'est ça, c'est très... Même, je dirais pas que c'est lent, mais les scènes dans le taxi, ils font exactement la bonne... Ils font exactement la job, parce que le taxi de Max, il est supposé être super relaxant. C'est le taxi le plus propre de la flotte de taxis. Ouais. C'est le plus relaxant, c'est le plus... Lui, c'est ça qu'il veut, puis... S'il réussit un jour à faire son entreprise de limousine, c'est ce qu'il voudrait faire, c'est que limousine devienne une expérience au-delà de l'expérience habituelle de limousine. Ça devienne quelque chose de très le fun. Tu sais, que tu fasses ta ride de limousine puis que tu n'aies pas envie d'en sortir, tu sais, de la limo. Puis, fait que dans le fond, ces scènes-là fonctionnent parce que toi-même, en tant que spectateur, tu trouves ça super relaxant dans le taxi. Même si tu sais des fois que Tom Cruise est en train de le menacer ou qu'il le prend en otage ou quelque chose du genre, ça reste quand même assez relaxant. Non, ouais, je suis d'accord. Avec la musique, avec les belles images. Mais tu sais, il n'y a jamais de grosse engueulade entre les deux personnages. Non. Ils sont tout le temps comme smooth. Puis, tu sais, même des moments où ça commence plus à s'agiter, ça ne va jamais pareil au-delà de la grosse colère puis le gros criage. Puis ça reste dans le côté calme, comme tu dis, du taxi. Ça me faisait penser un peu... C'était quoi le titre de ce film-là? Ah, t'as peu. C'était avec... C'est pas un film d'action du tout. C'était avec Norah Jones puis Jude, là. Ah, merde, c'est quoi le titre? C'est... Je vais Norah le trouver Jones, dans deux secondes. Jude, puis Natalie Portman aussi était là-dedans. Merde, c'était, je vais le trouver, My Blueberry Nights de Wong Kar-wai. Mais c'était... OK. Mais c'était très un film très ambiant, t'sais, très slow, mm-hmm. très lent. C'est pas, ça se ressemble pas vraiment. J'ai un vague souvenir de My Blueberry Nights que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Mais c'est un peu... C'est comparable dans le sens que c'est lent, mais c'est toujours intéressant l'interaction entre les deux personnages oui. puis les dialogues. C'est un peu la marque de commerce aussi à Wong Kar-wai. Quand tu écoutes Chinatown Express, si je me trompe pas du titre que j'en avais parlé il n'y a pas super longtemps, c'est un peu le même genre. Là. Ces deux réalisateurs-là ont le don de nous impliquer dans des interactions et des dialogues de personnages. Là. Puis en même temps, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma. J'adore, c'est pas vraiment un huis clos collatéral, mais c'est pareil, un film où globalement, ça se passe dans un petit endroit étroit, dans un taxi entre deux personnages qui vont... pas mal parlé sur la durée du film. Puis moi, j'adore ça. J'adore quand c'est vraiment comme deux personnages qui doivent discuter, interagir ensemble au même endroit. Moi, ça me dérange pas. Si c'est bien écrit puis que c'est intéressant, ça me fait triper. C'est ça que moi qui est arrivé avec Open Water à l'époque, tout le monde crachait sur le film parce qu'il disait « c'est juste deux personnes dans l'eau, ils parlent puis il se passe rien, c'est plate, c'est long. » Mais moi, c'est ça que j'aimais. C'est le fait que c'est... deux personnages dans l'eau, puis qui discutent, mais moi, je m'intéressais à ce qu'ils discutaient parce que ça sonnait réaliste, puis ça m'intéressait, puis les acteurs étaient bons. Fait que moi, c'est tout le temps un aspect que j'aime dans mon cinéma, ce genre de huis clos-là, si on peut dire. Oui, puis ils sont sincères, les personnages, tu sais. Mm-hmm. Ils sont vrais puis sincères. Fait que on s'y attache. Mais si... Premièrement, je suis vraiment content que tu aies aimé Collateral, mais si tu as beaucoup aimé Collateral, ça fait aucun doute que tu vas adorer les autres films de Michael Mann. Ah, sûrement. Je suis bien curieux de voir Miami Vice, même si la série est très cheesy. Là. Le film l'est pas. Il a pas gardé l'esprit forcément cheesy de la série, puis... Globalement, le film n'a pas super été bien reçu à l'époque. Moi, je le déteste pas, puis je l'ai vu peut-être juste deux fois, je me rappelle pas. Je te dirais que ça m'a moins déçu que son dernier film qui est sorti dernièrement, qui s'appelle Black Hat, si je me trompe pas. Mm-hmm. C'est vraiment décevant, parce que c'est un film qui sonne très commercial, très produit d'Hollywood préfait. J'avais même pas l'impression pratiquement d'écouter un film de Michael Mann, fait que ça m'avait déçu, mais Miami Vice au moins garde encore sa touche, puis celui-là aussi est tourné en digital. Fait que... Puis je sais que notre ami Marc-Antoine Labonté adore The Insider. Oui, que j'avais pas vu depuis très longtemps, puis je viens tout juste de me racheter le DVD, je l'ai vu tout à l'heure pour 10$, fait que ça m'intéresse de voir ce que ça donne depuis le temps que je l'ai pas vu. Enfin. Peut-être on pourrait peut-être faire un épisode à un moment donné. Insider ou Heat ou je sais pas, peu importe, là, ou Miami Vice, ouais. Ça t'intéresse autant. Il faudra que je voie Heat un jour. Ouais. C'est un vraiment... des rares films dans la filmographie de Natalie Portman qui est l'une de mes actrices préférées, sinon dans mes deux, trois actrices préférées au monde. C'est un de ces rares films que j'ai pas vu, même s'il n'y a pas là longtemps, je sais. Puis je sais que son personnage meurt dans le film. J'ai assez lu sur sa filmographie pour savoir qu'elle durait pas longtemps dans ce film-là. Mais n'empêche que c'est un de ces rares films que j'ai pas vu. Mais encore là, c'était le côté dans ma tête. Et encore là, je sais pas c'est quoi l'histoire, mais dans ma tête, ça faisait gangster puis ça m'intéressait pas. Là, ben, comme je te dis, ça fait comme collatéral. T'sais, oui, c'est. Ben, c'est pas forcément gangster parce que ça rapporte surtout avec une gang de voleurs, un peu à la Point Break où ils vont voler des banques, des trucs de même. Okay. Puis t'as le côté policier qui s'entremêle. Sauf je te dirais que dans celui-là, le côté criminel policier s'entremêle beaucoup mieux que dans Collatéral. Puis veux pas, c'est la touch à Michael Mann est là, ils s'intéressent beaucoup plus au personnage qu'à l'action. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant, même si le film contient une des meilleures fusillades dans l'histoire du cinéma, qui est super réputée, puis qui est pratiquement dans toutes les tops, là, qui est devenue une référence, puis ça l'a inspiré beaucoup de réalisateurs, puis même de jeux vidéo. Mais ouais, c'est vraiment un très, très, très bon film. Là. Non, il faudra que je fasse. Que je m'intéresse plus à sa filmographie. Good. J'ai envie de revoir Manhunter. Ouais. j'ai vraiment aimé ça. Moi, je l'ai trouvé meilleur que Dragon Rouge. Puis ça m'étonne qu'il y en ait qui aiment Dragon Rouge parce que je suis vraiment pas fan de Brett Ratner. Je trouve que je l'aime pas comme réalisateur. À part Rush Hour 1 et 2, que j'ai bien du fun, là, je trouve que c'est un réalisateur un peu incompétent. Puis surtout quand tu regardes son épisode de X-Men qui est vraiment raté, en tout cas pour ma part. Je dis son Red Dragon, là, si t'enlèves la performance de Ralph Fiennes puis Edward Norton, là, c'est vraiment le casting qui est bon, mais le reste du film, je veux dire, c'est banal. Moi, j'aimais justement le casting dans ce film-là. T'sais, je l'ai vu au cinéma, Red Dragon, puis je suis d'accord que c'est Manhunter est 100 fois supérieur, mais moi, je trouvais que le casting était super. Là, Non, mais c'est ça, je dis pas que le casting n'est pas super, mais c'est ça la seule vraie qualité de Red Dragon pour moi, c'est le casting. Là. Oui. Le reste, c'est vraiment bof. Là. Non, t'avais pas la touch de Michael Mann. Y avait pas, même si tu dis qu'il n'y a pas son langage encore dans Ben Hunter, il y a quand même une touch là, que chose il n'y a pas. T'sais. Non, il y en a. Ben, il y a des éléments qui sont là, mais je te dirais les plus frappants, comme que tu retrouves dans Collateral, que tu vas vraiment retrouver dans Heat, puis dans Miami Vice, ou dans d'autres films que tu vas comme faire. Ok, ouais, je pige vraiment. C'est juste qu'il y en a moins, je trouve, dans Ben Hunter. Mais... Puis tu sais. Ralph Fiennes, il est bien, bien bon, là, mais Tom Noonan est 10 fois meilleur en Francis Donnerhyde. J'ai pas continué la série Hannibal, j'ai juste vu la première saison. Puis je sais que dans la troisième saison, ils touchent à Red Dragon, puis je sais qu'ils ont un Francis Donnerhyde, puis j'ai bien hâte, je suis curieux de voir c'est qui ont pris comme acteur. Je sais que ça pourra pas battre dans ma tête Tom Noonan, mais encore là, Mads Mikkelsen a battu dans ma tête Anthony Hopkins comme étant le meilleur Hannibal Lecter de tout pour moi. Fait que je veux dire, ça peut être encore surprenant. Là. C'est drôle parce que j'ai pas commencé la série Hannibal, je veux le faire parce que ça m'intéresse, puis de toute manière, c'est pas une série qui va être longue. Non. Vu que ça a été cancellé, puis c'est peut-être mieux comme ça la manière que le monde semblait en parler. Pas parce que c'est mauvais, mais je pense que c'est le genre de série qui pouvait pas continuer, tu sais. Je veux pas que tu te rends c'est quoi qu'il disait le monde? Au silence des agneaux, je suis sûr. Fait que, mais tu sais, encore là, je trouve que Manhunter, c'était un film qui est vraiment resté un peu dans l'ombre. Puis quand il est sorti Red Dragon, on dirait que ben du monde savait même pas qu'il y avait déjà une adaptation de ça. Puis c'est tout le temps, tu sais, je veux pas le silence des agneaux qui était tout le temps en haut de l'échelle, puis réputé, puis considéré comme le classique. Mais je te dirais que je préfère même Manhunter au silence des agneaux. Ouais, moi aussi, je pense. Je l'ai. Oui. J'ai découvert sur le temps, j'ai découvert plus tard dans les années 90. Mais j'ai vraiment tombé sur le cul quand je l'ai vu première fois, puis j'ai vraiment plus aimé aussi que Silence des agneaux. Tu sais, même si le gars qui joue Hannibal Lecter est peut-être pas aussi iconique qu'Anthony Hopkins, je veux dire, je l'ai trouvé vraiment bon dans le rôle. Là, oh oui. Il fait une très bonne job. Il s'appelle Brian Cox, puis c'est un grand acteur, là, c'est un très bon acteur. Puis, non, mais c'est ça, la dernière saison de Hannibal, ce que j'ai compris, c'est qu'il touche un peu à Red Dragon. Je pense qu'il raconte l'histoire de Red Dragon, mais il se rend pas jusqu'à Silence des agneaux parce que pour des questions de droit, ils peuvent pas toucher au Silence des agneaux parce que le Silence des agneaux appartient à la compagnie qui a fait le film, je pense. Ou, MGM? Probablement. Mm-hmm. Ah, puis c'est 20th Century Fox qui fait Hannibal, je crois. Ou CBC, ou je suis plus sûr. Ça se peut, tu distingues mieux que moi, c'est les différents studios et tout. Plus ou moins. Qu'est-ce qui appartient à qui, là, moi, je... Mais bon, c'est ça, tu sais. Je pense que pour une question de droit, ils ne pouvaient pas toucher à ça, tu sais. Mais ça vaut le coup. je devrais les ben moi, j'avais adoré la première saison, puis avec la deuxième est 100 fois meilleure, puis que la troisième, ben, je pense que ça commence lentement, mais que ça reprend du mieux après, là, c'est ce que j'ai entendu dire. OK. Mais bon, tu sais... Je vais les réécouter, Mané. Je vais réécouter la première, puis je vais tout m'y retaper dans pas long. Là, puis, ouais, très curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec Red Dragon. Parfait. Fait que non, c'est ça. Fait que ça termine, je pense, notre segment sur Collateral. Yes! OK. Fait qu'on va y aller en musique avec une chanson de la soundtrack. En fait, c'est pas une chanson, c'est juste une pièce instrumentale qui s'appelle Spanish Key de Miles Davis. Et on revient tout de suite avec notre discussion sur le dentiste. Eh bien, nous revoici pour notre deuxième film de ce podcast Bras de fer. Et aujourd'hui, nous allons avec Le Dentiste. C'est un film de 1996, réalisé par Brian Yuzna. Brian Yuzna, c'est drôle, c'est quand même quelqu'un qui a réalisé beaucoup de choses, qui est bien connu, mais il n'y a pas. Je trouve qu'il n'y a pas forcément une aussi bonne réputation. Puis, tu sais, oui, il y a bien des mauvais films, mais je trouve qu'il a quand même fait pas mal de bons films que j'aime bien. T'sais, il a fait Society, son premier film qui est sans doute le mieux coté, mais t'sais, il a fait Bride of Reanimator, Return of the Living Dead 3, que j'ai écouté très souvent super écran quand j'étais jeune, puis Beyond Reanimator aussi qu'il a fait. Il y a quelques films que j'aime bien de lui, puis je trouve qu'il est quand même un peu intéressant. Puis c'est le fidèle compagnon de Stuart Gordon, réalisateur de Réanimateur, qui est justement scénariste aussi pour Le Dentiste. Et ça met en vedette Ken Foray, Corbin Benson, Linda Hoffman et évidemment notre lien plus ou moins gros ou mince avec Ruffalo, Mark Ruffalo. Et ça raconte l'histoire d'un dentiste renommé de Beverly Hills qui va surprendre sa femme en train de fricoter avec l'employé chargé de l'entretien de leur piscine privée. La jalousie va commencer à l'amener vers la démence, puis une seule idée lui vient à l'esprit, c'est nettoyer le monde des vermines qui l'empoisonnent. Pris d'hallucinations assez sérieuses, le dentiste va se mettre à attaquer les bouches de ses pauvres patients à vouloir nettoyer la vermine. Et on écoute un petit extrait et on vous revient tout de suite après. Ma chérie? Je voulais que tu sois la première à voir ma plus belle réalisation. Salle d'opération numéro 4, la Scala, le paradis de l'opéra italien, la plus belle de toutes les salles d'opéra au monde. Je voulais te faire cette surprise pour notre anniversaire de mariage. Impressionnant. Dans un monde où l'amour a été remplacé par la technologie, ici, les deux ne font plus qu'un. Je t'en prie, assieds-toi. Combien de pilules tu as pris? Tu entends comme elle atteint ses notes hautes de façon si parfaite, avec toute la profondeur de son âme. Elle chante l'amour, rien que l'amour. Ils vont donner notre table. Brooke, je t'en prie, fais-moi ce plaisir. Alan, je ne sais pas si le moment est très bien choisi, franchement. Brooke, c'est notre anniversaire de mariage. Je t'en prie. Le Dentiste. Un petit film d'horreur pour le bras de fer, ça va faire du bien, mon cher JF. Et, je voulais savoir, as-tu une grande histoire avec Le Dentiste ou le réalisateur Brian Yuzna ou peu importe? Est-ce que c'est un film qui t'intéressait à la base ou que tu as déjà vu? OK. Plusieurs questions. J'étais bombardé en one-shot. Non, Brian Yuzna, ben, tu sais, j'étais un gros fan du premier réanimateur. Je suis plus un fan de Stuart Gordon. Brian Yuzna puis son Bride of Reanimator, j'avais trouvé ça le fun, mais pas autant que le premier. Non, Society, c'est un film assez marquant. Je l'ai juste vu une fois, mais ça m'avait beaucoup marqué. Puis je trouve qu'il n'est pas assez connu. Puis c'est lui aussi qui a fait le troisième réanimateur, le Beyond. Oui. Ouais, c'est lui. Hein. Ouais. Je trouve que c'est deux suites qui sont quand même fun puis regardables, mais qui sont pas à la hauteur du premier film. Mais c'est pas des mauvaises suites. Non, c'est ça. Puis, voyons, t'as aussi, Stuart Gordon, il y a comme un crédit d'auteur sur Le Dentiste. Mais t'as Denis Paoli aussi, je pense qu'il y avait. C'est lui aussi qui a écrit Réanimateur. Je le savais pas. Puis From Beyond, puis tous ces films-là, puis Dagon. Ok, cool. Denis Paoli, c'est un gars qui travaille avec eux autres aussi. Et non, ça, j'ai pas d'histoire avec le film pantoute parce que je le connaissais vaguement pour avoir peut-être vu la pochette à un moment donné. Mais c'était le genre de film que je mélangeais un peu dans ma tête avec Dr. Giggles. Mais c'est deux films qu'on pourrait assez bien rassembler dans un sens. Là. Puis j'avais pas vu ni l'un ni l'autre, fait que comme je te dis, j'ai mélangé un peu dans ma tête. Là. Ok. Puis non, c'est ça. Puis sur le coup, tu me proposais ça, puis j'ai fait. Ouais, je suis pas trop sûr d'avoir envie de voir du monde se faire jouer dans la bouche puis se faire torturer parce que dans pas long, il faudrait peut-être que j'aille chez le dentiste. Là, ça fait trop longtemps que je suis pas allé, puis ça serait dû. Fait que c'est comme, j'ai pas vraiment envie d'avoir ces images-là en tête, quoique je vais essayer de pas faire trop ma chochotte puis, puis de le regarder, tu sais. C'est un drôle de hasard parce que moi j'ai mal à une dent depuis 2 semaines, puis j'ai besoin d'aller chez le dentiste. Fait qu'en même temps, je m'aide pas à vouloir prendre ce film-là. Tu sais, il y avait comme 3 autres choix qu'on aurait pu facilement prendre, mais non, j'y étais avec le dentiste. Mais parce que... tu dis facilement, c'est parce que si on prenait le lien Mark Ruffalo, j'ai regardé le reste de sa filmographie. J'étais comme merde, ce gars-là a pas fait de mauvais films. Non, mais c'est ça, j'avais de la misère à regarder, mais il y avait 3 autres films, je trouvais qu'il rentrait dans cette catégorie-là, puis il avait fait un film Committed avec... Heather Graham. Heather Graham, puis ça a été un flop à l'époque, fait que j'avais failli prendre lui, c'était soit lui ou le dentiste que j'hésitais au départ. Parce que tu regardes le reste de sa filmographie, même les films indépendants pas connus, là, tu vas regarder un peu de leur description ou qu'est-ce qu'ils ont gagné, puis des fois ils sont à la Sundance, puis trucs comme ça, puis ils ont eu des bonnes critiques, puis ça fait 20 ans et sinon plus qu'il fait des films, puis tu fais merde, ce gars-là, il est tout le temps célébré par les critiques, par tout le temps des bons commentaires, puis tout, puis il n'a pas fait d'erreur vraiment dans sa carrière, là. Ben, tu sais, c'est ça que je voulais faire au départ avec soit Tom Cruise ou Jimmy Fox, y aller avec un mauvais film, mais tu sais, il n'y avait pas vraiment qu'il y avait une si mauvaise réputation ou que c'était considéré ratage, là. Je fouillais, puis il n'y avait pas grand choix, fait que j'étais comme, bon, on va essayer de trouver d'autres choses, puis là, je me disais qu'avec Ruffalo, il y avait peut-être un choix ou deux, là, mais... Puis ben, quand j'ai regardé aussi sur IMDb le cast de Dentist, ben j'ai vu que Peter Forey, Ken Forey était là, c'est lui qui joue Peter dans Dawn of the Dead, l'original de 1978. Fait que il fait un détective dans The Dentist, je suis comme OK ben. Ouais, là ça me tente, là ça un me film avec fuck Ken les Forey. Bush, là. Ken Forey. Là. Ken Forey, ben tu sais, je le vois pas souvent, fait que tu sais, je suis content de le voir dans quelque chose, fait que puis on en reparlera de lui, là, de son personnage, mais j'étais juste content de le voir. Fait que non, ton histoire toi, avec le dentiste, c'est pas grand-chose. Tout ce que je me rappelle, c'est que lorsque les Vidéotron avaient commencé à ouvrir dans mon coin, j'avais été, puis les premières VHS d'horreur qu'il y avait dans cette vidéo-là, il y avait la fiancée de Chucky que j'essayais de louer, puis c'était impossible parce qu'il y avait 2 boîtes qui étaient tout en louées, et le dentiste 2 que j'ai loué. Et c'est le seul que j'avais vraiment vu peut-être 2-3 fois. Le premier, je ne l'avais jamais vu avant que j'achète, dans le fond, le DVD qui a peut-être 2 ans à peine. Fait que ça, c'est assez frais que j'ai découvert le premier dentiste. Il y avait juste le deuxième que j'avais vu puis qui m'avait pas fait une forte impression à l'époque. OK. Mais j'ai pas de grosse histoire en particulier avec le dentiste. Fait que qu'en pensons-nous? Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai regardé... J'ai regardé ça hier soir en fin de soirée, je m'endormais un peu, puis j'ai regardé la version française parce que c'est la seule que j'avais sous la main. Okay. Puis je me suis dit, c'est pas grave, là, je m'en fous, ça va être... C'est pas un film super important dans l'histoire du cinéma, je pense. Fait que je peux le regarder en français, là. Puis... je sais pas, j'haïs pas l'ambiance. J'aime que le film se passe quasiment tout de jour, puis dans des lieux, tu sais, soit dehors, au beau soleil, à la maison du docteur, tu sais, soit que les scènes se passent là, ou chez un voisin, ou comme ça, dans un très ensoleillé, ou soit au bureau du dentiste, qui est tout le temps, il y a tout le temps du monde, là, puis tu sais, c'est jamais dans des coins noirs, comme dans un film d'horreur habituel, ou dans une place lugubre, tu sais, c'est tout le temps dans quelque chose. Tout le temps dans un lieu public, pratiquement, qui arrive la plupart des choses. C'est ça. C'est ça le plus intéressant, parce que je trouve ça intéressant de voir l'évolution, un peu la démence du gars, puis tu sais, au lieu que ce soit juste un fou qui attaque les victimes, qui vient sonner chez eux parce qu'il est en train de torturer sa femme puis les voit là-dessus. Non, c'est vraiment qu'il est à son cabinet puis il évolue dans sa démence puis il arrête pas de faire des accidents avec ses patients. Puis en même temps, tu vois un peu la réaction des patients. Tu vois le monde qui attend dans la salle leur tour pour aller se faire jouer dans la bouche, mais à toutes les fois, ils voient un client sortir la bouche avec du sang puis que les clients sont en train de gueuler puis on va vous poursuivre. Puis moi, je serais comme « OK, je pense que je vais m'en aller de là. J'ai pas envie qu'ils me jouent dans la bouche. » Puis t'as une petite fille, tu sais, de peut-être 15 ans qui est là, puis avec des broches, puis elle attend juste de se faire enlever les broches. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, moi, ma réaction par rapport. Si j'étais à sa place à elle, ça serait, comme tu dis, de partir, de sacrer mon camp, tu sais. Puis elle, elle reste là tout le long du film à attendre de pouvoir faire enlever ses broches. Puis. Mais en même temps, elle a l'air de bien connaître le dentiste. Je pense que c'est lui qui avait mis ses broches, je suis pas trop certain. Probablement. Probablement, mais tu sais, elle a tellement juste hâte de les enlever là, que elle est prête à attendre pratiquement toute la journée là. C'est comme son cadeau là, ultime là, de se faire enlever ses broches. Puis, il y avait quelqu'un sur les sur le forum des forums de IMDB qui disait j'aurais pas le nom exactement, mais tu sais, quelqu'un qui disait que pourquoi est-ce que cette fille-là va chez le dentiste pour faire enlever ses broches alors qu'elle devrait aller chez le. Puis c'est ça que je cherche le nom, genre le orthodontiste ou peu importe. Ouais, orthodontiste, quelque chose de même, ouais. C'est pas son dentiste qui devrait enlever ses broches, mais bon, c'est un détail. Là. Mais pour le réalisme, ça, on va oublier ça, ce film-là. C'est, je trouve que la folie du personnage de Dr. Fenstone qui est joué. C'est cartoon au bout, là. C'est cartoon, puis tu sais, c'est mal amené parce que okay, je comprends qu'il soit jaloux, je comprends qu'il soit fâché. Et tout à coup, elle se met à torturer des gens parce qu'il se met à voir dans sa tête à halluciner que tout le monde a des dents laides et affreuses et dégueulasses, tu sais. Puis il est vraiment focusé là-dessus sur les dents de tout le monde. C'est son travail, je comprends, mais en même temps, il. Je pense qu'il est déjà instable mentalement. Probablement, c'est pas forcément juste la tromperie de sa femme qui l'a poussé à là. Déjà, d'après moi, il devait. Mais ça a été la cerise sur le Sunday, je pense. Non, exactement. Mais justement, les 20 premières minutes, le film, ça commence là-dessus sur lui qui va découvrir sa femme. Avec le nettoyage de piscine, tu sais, le cliché ultime. Tu sais, pendant un instant, j'étais comme, je suis en train d'écouter un Daniel Steele ou un Harlequin, là, puis je suis comme. Ou un mauvais porno. Ouais, ouais, un porno, là, c'est vraiment cliché, puis la scène qu'elle tombe, c'est pratiquement porno, là. T'as vu littéralement en train de faire une fellation. Puis après, c'est tellement fake que tu vois bien qu'elle fait rien, là. T'sais. Non, c'est ça. Puis là, t'as un gros plan sur son visage à elle, qui rit au ralenti, là, puis qui prend plaisir. Puis lui, il a toutes les mains sales, comme dans les films porno, ça serait un mécanicien qui aurait les mains pleines d'huile, mais lui, il a les mains sales, pleines de boue, parce qu'elle avait. Il a nettoyé la piscine, puis il y a de la boue qui est sortie, je sais pas trop quoi, des tuyaux, puis. Tu sais, il nettoie une piscine. Mais ça, j'ai jamais vu quelqu'un être aussi sale à nettoyer une piscine. Tu sais, je veux dire, globalement, c'est des feuilles puis des cochonneries que tu ramasses là-dedans, là, pour de la boue. Tu sais, c'est pas comme s'il était en train d'ouvrir la piscine, là. Je veux dire, elle était déjà ouverte, là. Puis plus tard, pas longtemps après dans le film, on va, quand le docteur va se rendre compte de ça, que sa femme le trompe, ben là, il s'en est rendu compte. Il va aller chez. Il va suivre le gars, le nettoyeur de piscine, puis le nettoyeur de piscine va chez une autre femme, une voisine que le docteur connaît. Puis le nettoyeur de piscine, ben il s'appelle Matt, je vais le nommer Matt, et il couche aussi avec cette femme-là. Fait que tu vois qu'il y a peut-être probablement tout un réseau de femmes riches avec qui il couche pendant que les maris sont au travail. Puis c'est drôle parce que plus tard, quand le docteur va arriver à son bureau de dentiste, puis là, il va être assis à son bureau en se poignassant en tête parce qu'il est troublé par tout ça. Il regarde autour de son bureau, il y a une photo de sa femme, ça c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais il y a une photo de sa femme avec la voisine, puis les deux sont en bikini. Je suis comme, pourquoi il y a ça sur son bureau? C'est qui a une photo de sa blonde ou de sa femme avec la meilleure amie de sa blonde ou de sa femme, ou peu importe, ou juste une voisine, les deux en bikini? Pourquoi il y a ça sur son bureau? Juste une photo de mariage ou juste une photo de sa femme tout seul? C'est ou ça. Pas. Pourquoi une photo de lui, puis elle et la voisine ensemble collées avec des bikinis? Puis, c'est ça, tu sais. Fait que Matt, le nettoyeur de piscine, il y a tout un réseau probablement de femmes, ou peut-être juste ces deux-là, mais peu importe. Là. Fait qu'à un moment donné, le docteur va se venger. Puis c'est ça, tu sais, il commence à virer fou, puis avoir des scènes d'hallucinations alors qu'il traite ses patients. Puis ces hallucinations, c'est un peu comme des effets à la Sam Raimi, mais genre 12 ans plus tard, et là, c'est comme plus nouveau, puis ça marche plus. Là, tu sais, ouais. Où est-ce que la caméra devient toute. L'image devient toute distordue, là, tu sais, puis. Distorsionné, puis c'est ça, t'sais, tout allongé, dans le fond. Un peu comme ce qu'on voit dans les Evil Dead. Ouais. Mais c'est ça, là, c'est comme... T'as des plans de caméra, des fois, qui fait penser à Sam Raimi. T'as un moment où, après avoir vu sa femme le tromper, il se dirige vers son bureau, puis il rouvre le tiroir pour prendre un revolver, puis c'est un plan vu d'en haut, puis la caméra commence à faire un genre de 360 au ralenti pour se rendre jusqu'au revolver, puis tu sais, des petits plans tape à l'œil qui... Moi, je les trouve sympathique, mais tu sais, qui fait penser à d'autres réalisateurs, puis c'est pas toujours efficace. C'est pas aussi efficace que dans Evil Dead. Je veux dire, oui, ça sont le fun visuellement, mais ils apportent rien. Non, c'est ça. Ils apportent pas grand-chose, tu sais, comme dans Evil Dead, toutes ces scènes, tous les plans bizarres avaient quelque chose à voir avec l'histoire, tu sais, avec ça. C'était souvent du point de vue d'un démon ou quelque chose comme ça, tu sais. Mm-hmm. Ou si, ouais. Quand j'ai choisi ce film-là, je me rappelais plus c'était quoi le personnage de Mark Ruffalo. Puis finalement, tu sais, je me rendais compte que c'était un client du dentiste. Mais dans le fond, c'est un manager ou un... Ouais, un genre d'agent. Là, Agent pour une actrice ou une top modèle. Là, je suis plus trop certain. Je pense qu'il recrute des top modèles parce qu'il va essayer de recruter la petite fille de 15 ans à peu près. T'sais. Ouais, puis je suis pas certain cette scène-là. Tu sais, t'es en plein un cabinet de dentiste. Puis là, tu demandes à une jeune de commencer à marcher là, devant toi puis faire une démarche. Puis... non, je sais pas, puis je trouvais ça louche comme moment. Mais sinon, il est quand même là un moment, tu sais, il est là une demi-heure, tu sais, c'est pas si pire. Ben c'est ça, oui, non, je trouve qu'il y avait une bonne présence pour un jeune Mark Ruffalo. Ah, il est vraiment jeune là-dedans. Peut-être un peu trop jeune pour être agent, pour être manager. Il a l'air de je sais pas quel âge qu'il a, mais c'est ça, il a l'air d'un flow, là. Puis... En fait, moi, je trouve que ça devient intéressant quand le docteur... passe son temps dans son cabinet de dentiste, puis que les événements commencent à s'enchaîner. Puis je trouve que c'est mieux que le film se déroule comme ça, que juste une histoire de vengeance par rapport à sa femme, ça aurait été long. Puis si c'est un peu ça, le deuxième, j'avais trouvé plate, il n'y a plus de cabinet, veux pas dans le deuxième, il est juste recherché, puis il y a une nouvelle identité dans une autre ville, puis c'est vraiment long, là, je veux dire, il ne se passe pas tant de choses que ça, puis c'est plus une histoire de nouvelles rencontres amoureuses, tandis que là, tu sais, t'as vraiment juste lui dans son cabinet, puis qui essaie de dealer avec ses hallucinations. Puis tu sais, c'est pas super bien développé, comme tu disais, c'est pas super bien écrit, mais l'acteur joue quand même bien, tu sais, il a vraiment l'air fou tout court, tu sais, je trouve ouais. qu'il a bien son rôle de gars fou qui fait très cartoon, puis un des points forts du film, puis ça, je m'en rappelais pas, parce que dans le deuxième, c'est moins réussi, mais les effets spéciaux à l'ancienne sont quand même de bonne qualité au vu du budget puis de la production. Là, jamais il va mettre trop d'emphase. C'est quand même assez subtil, la réalisation, pour essayer de cacher plus ou moins l'effet que c'est des prothèses ou des trucs de même, mais ça fait son petit effet pareil, sauf moi, avec les instruments. Là, par moments, j'avais des frissons. Là. Oh oui, moi, ça marche aussi, je trouve. Je suis d'accord avec ça. Quand il commence à gratter les dents du petit garçon avec le crochet puis qu'il va y planter, là... Ouais, yeah. Ou l'autre madame qui défait toute la molaire, je pense. Puis... Ouais, ouais. De toute façon, juste le bruit du petit objet, là, oui. C'est juste suffisant à donner des frissons. Personne n'aime ça. Le grattage, puis tous ces bruits-là de dentiste que j'haïs. Le grattage, puis... Non, je trouve son film, en termes de gore puis de moments stridents, on en a pour notre argent. Il y en a pas mal. Là. En même temps, c'est un peu facile quoi, pour un réalisateur quand tu... part avec un film de dentiste, parce que tu sais que le monde a déjà une peur du dentiste en général. Fait que tu pars déjà avec une certaine facilité, parce que t'as pas grand-peur à créer autre qu'à mettre ces sons-là, puis c'est déjà gagné d'avance que les gens vont comme se tordre un peu sur le siège parce qu'ils ont... parce qu'ils sont mal à l'aise face à ces scènes-là. T'sais. T'imagines-tu si t'es rat puis que ton film est raté alors que t'as déjà un potentiel facile de le faire? Puis Mais il aurait pu en faire plus. Je trouvais que oui, c'est bien ce qu'il fait, mais il aurait pu en faire 10 fois plus puis être encore plus extravagant dans les meurtres puis dans la torture, puis des trucs comme ça. Je pense qu'il voulait peut-être pas aller trop dans l'extrême non plus puis trop en mettre, parce que la plupart sont pas longues, mais sont quand même nombreuses. T'en as quand même plusieurs. Tu sais, le moment qui finalement va porter à vengeance sa femme. J'aime beaucoup la classe de cette scène-là, avec la petite musique classique, puis la petite place. Il prépare ses instruments pendant qu'elle est en train de s'habiller. Tu sais. Je trouve que c'est une des scènes les plus réussies au niveau du montage puis de la réalisation. Puis, tu sais, il va commencer à lui arracher les dents. T'sais, on voit pareil au moins 2-3 dents qui se fait arracher, puis ça fait son petit effet, mais je pense pas que ça aurait été, mettons, nécessaire de devoir arracher toutes les dents puis d'y mettre les espèces de lames ou de trucs qu'il a mis dans la bouche. Puis, tu sais, même chose pour le personnage du gars qui arrête pas de la harceler pour son argent puis qui veut le faire marchander. Puis, finalement, il va le torturer puis il met... l'appareil pour garder la bouche ouverte, mais lui, il va juste pas arrêter d'y ouvrir la mâchoire. Je pense que c'est un des effets les plus réussis du film, puis il va vraiment y ouvrir la mâchoire de manière vraiment abusive. Là. C'est joué par le gars qui joue le docteur dans Terminator 2. Ouais, je savais que j'avais déjà vu quelque part. C'est peut-être ouais, ce problème-là que j'ai déjà vu. Le psychiatre de Sarah Connor. Mais je sais pas, j'ai pas... Je comprends ce que tu dis, puis j'arrive pas à formuler non plus une critique super valable parce que j'ai pas vraiment d'argument tant que ça, mais je trouvais qu'il allait pas assez loin, puis que ça faisait un film qui était un peu flat au final, parce qu'il y avait, oui, il y a beaucoup de meurtres, mais en même temps, ils sont comme moyens, toute la gang, là, t'sais, c'est pas non plus super extravagant, fait qu'ils sont pas très, très mémorables à cause de ça, t'sais. Fait qu'au final, tu fais que tu sors de là en disant, OK, c'était correct, mais c'est juste ça, t'sais, puis... En tout cas, pour moi, là... Ben, c'est pas... Non, c'est pas non plus mémorable ou... Je te dirais que niveau meurtre, il y en a peut-être juste deux dans le deuxième, mais sont plus trash puis plus longues. Tu sais, il va vraiment littéralement, mettons, démolir les dents comme il fait avec une des clientes avec sa broyeuse. Mais tu sais, dans le deuxième, il va broyer vraiment pratiquement toutes les dents jusqu'au sang, puis la scène est vraiment longue, puis à la fin, la fille, la mâchoire... est complètement magané. Fait que côté trash, je te dirais que le deuxième est plus poussé. Mais dans le premier, c'est vrai que tu as une couple de meurtres qui sont quand même assez banales. Il va juste étrangler ou utiliser une seringue pour tuer une autre de ses collègues de travail. Là. Fait que... Puis, ah oui, tu sais, j'avais envie de voir le film à cause de Ken Foree, qui joue un détective, puis un autre détective avec lui. C'est un peu comme les... Il y a un parallèle à faire avec les personnages de Mark Ruffalo puis Peter Berg dans Collateral, mais c'est tout. Là. C'est juste parce qu'il y a deux détectives dans chaque film. Une enquête différente. Mais une enquête différente, puis deux types de détectives assez différents, parce que j'ai jamais vu des détectives... Ben non, j'allais dire, j'ai jamais vu des détectives aussi incompétents que ça, mais c'est pas vrai, j'en ai déjà vu des plus incompétents, mais ils sont assez mauvais comme détective. Ça essaie d'être intelligent, mais ça marche pas. Parce que Ken Foree, un moment donné, quand il décide... quand ils rentrent dans la maison du docteur, puis que le docteur n'est pas là, puis que là, c'est là qu'ils vont découvrir sa femme, puis le gars qui est mort, le Matt. Ouais. En rentrant dans la maison, Ken Foree, la première chose qu'il fait, c'est mettre ses mains partout. c'est la première chose qu'un détective ne ferait pas dans la vraie vie. T'sais, il va voir un truc de pilule, je pense qu'il va trouver, c'est un verre d'eau, je sais pas trop quoi, sur le comptoir, puis des pilules, des trucs comme ça, il va tout toucher à tout, là, tu sais. Il a jamais pensé aux empreintes, là, puis... Il met jamais de gants. Il met jamais de gants, tu sais. Fait que non, il touche à tout, puis... non, c'est... Ils sont vraiment pas forts comme détective, là. Ou même la première scène que tu découvres ces deux personnages-là, puis qu'ils vont sur les lieux que le chien a été tué par le dentiste pendant qu'elle allait espionner, puis... Tu sais, le chien était à terre devant la clôture, il a tiré une balle dans la tête. Il y a une forêt là, qui est là, qui est... OK, le chien a eu une balle dans la tête. Attendez. Là, il se place. Là, il essaie de recréer la scène de manière intelligente. Il est comme, le chien est sorti de la clôture. Il a sauté sur le gars, il a tiré une balle. Donc, la balle devrait être dans le mur, là. Là, ça va chercher la balle. Bingo! C'est comme, OK, come on. C'est ridicule. Non, c'est deux vrais clowns. Mais c'est drôle, tu parlais des parallèles. T'sais. Là, on a ça, on a l'histoire, plus l'histoire des policiers qui s'entremêlent. On a Mark Ruffalo. On a le dentiste qui, lui, veut offrir une pièce, une expérience unique pour les clients, une thématique jungle, puis tout ça. Tandis que Jimmy Fox, dans l'autre film, lui, voulait offrir une thématique un peu identique pour les limousines, pour que les clients vivent une expérience. Fait que, t'sais, c'est pas super, il y a quand même des trucs qui se rassemblent. Oui, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, c'est ça. J'ai trouvé ça correct comme film, mais... C'est parce que la seule vraie bonne chose qui le démarque un peu des autres slashers, puisque ça reste quand même en tant que tel un slasher, si on veut. Ouais, je me posais la question si tu le considères comme un slasher. Moi, je trouvais que oui. Là. Au début, j'étais pas certain avec l'histoire de trompage tout ça, mais tu sais, je veux dire, la finale, c'est vraiment la finale d'un slasher. C'est comme lui, puis... plus ou moins l'héroïne, on va dire, mais avec la jeune fille, la jeune fille, ça fait vraiment slasher, là, la finale. Là. Ouais, puis qui est un petit peu, j'avais envie de dire over-sexualisée, mais c'est elle est pas vraiment sexualisée, mais elle est habillée en écolière, puis je trouvais que c'était pas justifié, parce que dans les autres scènes où qu'on la voit, justement, quand Mark Ruffalo l'a fait marcher comme une top modèle, elle a des jeans trop grandes pour elle, puis plus à la mode de cette époque-là, tu sais. Tandis que la scène finale, il faut qu'elle soit habillée en écolière avec une jupe très, très, très, très courte. Puis tu vois bien que cette fille-là est mineure, là, fait que je trouvais ça un peu étrange. Là. Non, c'est vrai. Mais sinon, il y a un aspect que j'ai trouvé bizarre, parce que à chaque fois que tu penses que le film est fini, ça continue. Oui. Moi, à un coup que c'était terminé avec la jeune fille, puis là, il y a... spoiler, mais en tout cas, d'après moi, le monde va déjà l'avoir vu, mais il s'en va en voiture, il met sa musique classique, tu dis c'est fini. Non. Dans le fond, ça continue plus tard, parce qu'il a réussi à être professeur dans une autre clinique de dentiste, puis là, il va revirer fou là. Encore là, tu penses que ça va être fini, mais non, ça continue jusqu'à une genre de pièce de théâtre qui va halluciner sa femme, il va se faire arrêter là. Tu dis, ah, ok, ça va finir de même sur un coup de pièce de théâtre. Non, ça revient dans un asile, Puis à un moment donné, t'es comme, ok, non, ça va finir ton film. Là. moi, j'aurais fini ça quand il s'est sauvé en voiture, puis c'est tout. Là. Il s'est enfui, puis ça finit de même. Là. Ouais. Ça sert à rien d'essayer de nous en rajouter une couche, puis une couche. Là. Ça s'éternisait un petit peu. Non, surtout ça, surtout le fait qu'il était enseignant dans une école, ça sort de nulle part. Là. Même les policiers sont comme, quoi? Il est enseignant? Je dis. Ça, c'est voir de top. Je veux dire, il est quand même recherché. Là. C'est un dentiste qui a commis plein de meurtres. Puis, ils vont me faire avaler que son nom puis ses antécédents. T'sais, quand il engage quelqu'un pour être professeur... Non, mais ils viennent pas juste de l'engager. Il était déjà enseignant, c'est ce qu'ils disent. Il y était déjà? Oui, il était déjà. C'est juste qu'on l'a pas vu dans le film. Il était déjà enseignant. OK, c'était supposé comme être un... Je pense que c'est la secrétaire qui dit ça, Manny. Je pense que c'est elle qui dit ça au policier. Elle a dit oui, il est enseignant en plus dans un collège. Tu sais, probablement à temps partiel de temps en temps, mais... OK, je l'avais même pas remarqué, ça. Je me souviens plus c'est qui donne l'information. Je pense que c'est la secrétaire. J'allais dire la grosse, je suis méchant. Secrétaire... il n'y a pas de grosse, de toute façon. Ben, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. En tout cas, peu importe, mais c'est ça, tu sais. Il me semble que c'est elle qui donne l'info, puis... moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il l'était déjà, puis quand une journée, peut-être par semaine, ou de temps en temps, il donne des cours là, à cette école-là. Fait que ça a été... Pour se sauver de la police, il a décidé d'aller là, mais c'est pas une bonne cachette. Là, parce que... Non, pas vraiment. Là, si c'est ton deuxième endroit où tu travailles, puis que la plupart du monde doit savoir que t'es là, ben il retourne pas là. Non. Surtout qu'il est pas subtil, là, il commence à dire à tous ses élèves, « Bon, mais je veux que vous enleviez toutes les dents. » Go! Ouais, c'est ça. C'est comme what the fuck. Mais non, c'est ça, comme je disais, je pense que le plus gros avantage de ce slasher-là, c'est le fait qu'il n'y en a pas tant que ça des films de dentistes. Je pense que c'est les seuls pratiquement qui existent. Puis ça a cet avantage-là d'avoir ce plus-là qu'on n'a pas vu souvent. Fait que c'est pas trop redondant. Puis ça apporte des scènes quand même assez j'irais pas jusqu'à dire difficile ou insoutenable, mais qui donnent la chair de poule, puis qui sont efficaces, puis que ça marche sur le coup sans que ça soit forcément des grands moments de terreur puis de gore. Non, je suis d'accord. C'est pas un film mémorable, c'est une petite série B qui fait passer un bon moment. Je peux tout emmerde pas, même si c'est pas forcément bien écrit, tu sais, malgré la qualité des personnes qui sont derrière le scénario. Comme je te dis, ça fait très... très harlequin. Moi, ça me faisait vraiment penser à ça. Puis film porno, sa femme qui trouve être le gars de piscine. Je trouvais ça plus drôle qu'autre chose. Puis les deux policiers incompétents. Puis je pense qu'il faut juste pas prendre tout ça trop au sérieux. Puis juste s'amuser le temps que ça dure. Mais juste la manière que c'est filmé, c'est pas les décors puis tout. On dirait vraiment que c'est un film qui aurait... T'enlèves le gore, puis tu mets un petit peu plus de scènes de d'érotisme, puis ça serait un film qui aurait pu passer à Bleu Nuit quasiment. Ben, c'est ça, ouais, ça fait très Bleu Nuit, là. Mais tu sais, regarde juste le thème du film, là. Oui. Ça fait vraiment musique, cheap, là. On n'est pas dans collatéral, là. C'est le contraire, là, tu sais. Le thème est vraiment cheap, puis le pire, c'est qu'il réutilise constamment pour le deuxième film. Puis le gars, il trippe sur l'opéra, puis il aime commettre ses meurtres en... Tu sais, quand il commet ses meurtres, des fois, on entend l'opéra, des trucs comme ça, puis je trouve que c'est cliché, là, le tueur qui aime l'opéra, puis c'est vraiment pas... c'est vraiment pas nouveau, là. C'est comme pour essayer de donner une certaine classe, mais ouais. C'est du déjà vu. Mais c'est assez drôle, on dit côté cartoon, mais tu dis que t'as pas vu Dr. Giggle, mais celui-là, il est vraiment cartoon, mais vraiment que ça en est vraiment drôle. Là. Ils ont poussé ça de manière très, très, très abusive, là, mais je pense que celui-là aussi, à un moment donné, ça pourrait être un de très le fun à faire parce que c'est assez drôle et ridicule comme film. Ce que j'ai aimé en checkant sur IMDb dans les trivia, ça m'a surpris un peu, c'est que le dentiste s'est basé un peu sur l'histoire d'un vrai dentiste qui était un tueur en série qui s'appelait Glennon Engelman. Puis c'est ça, ils se sont inspirés de lui. Puis c'est drôle parce que l'acteur principal, Corbin Benson, avait déjà joué ce tueur en série-là dans un film de 1993 qui s'appelle Beyond Suspicion. Ah. Puis quand tu checkes sur IMDb, le résumé dit justement, tu sais, la femme d'un dentiste suspecte que qu'il est le l'auteur de plusieurs homicides et tout ça. Fait qu'elle va en parler aux policiers, puis elle essaie de s'organiser pour qu'il se fasse arrêter, tu sais. Et c'est un drôle de hasard. Ouais, c'est ça que le gars, en 2 ans, 3 ans, il a joué 2 fois un docteur basé sur la même personne de la vraie, que dans la vraie vie, tu sais. Mais c'était pas un tueur qui torturait ses victimes en étant dentiste, j'imagine. Ben, c'était un vrai dentiste, oui. Ben non, mais je veux dire, il attaquait-tu ses victimes comme... Ah non, ok, je comprends ce que tu veux dire. Tant de secondes, voir. Checker vite de même sur Wikipédia. Glennon Engelman, 1928-1999, était un dentiste qui a cumulé 2 emplois en tant que tueur à gages, inventant et effectuant plusieurs homicides sur une période de plus de 30 ans. Ses victimes étaient tirées, frappées avec un marteau de forgeron, et une fois, il fit exploser une victime alors qu'elle était assise dans sa voiture. Okay. Dans un cas, Engelman tua une famille entière afin que la veuve puisse réclamer les millions en assurance vie qu'elle avait pris sur son mari, qui était, grâce à Engelman, maintenant l'héritière unique des affaires d'huile de ses parents décédés. Enfin, ça fait vraiment un gros scénario de cliché de film, mais qui arrive pour de vrai. Tu sais. C'est ça. C'est fou. De... aïe, aïe, ok, ouais. Le nombre exact de ses victimes est inconnu. Depuis qu'il est mort, ils ne savent pas. Là. Il a emporté cette information-là avec sa tombe. Dans sa tombe. Ah. Ben, il y aurait un autre film à faire là aussi. Ouais, dans le fond, il devrait peut-être faire un film sur le... l'histoire vraie, puis sans changer les détails. Ouais. Avec un scénario peut-être plus solide et un côté moins over the top. Puis un film d'époque, parce que ça a l'air de se passer genre dans les années 50 ou 60. Là, fait que... Ah, ok, ouais, ça serait cool ça. Ouais. Fait que non, c'est ça, The Dentist. Ben, est-ce que je suis curieux de voir le 2? Je sais pas. Peut-être, là. Peut-être. Sa femme est encore là dans le 2 aussi. C'est vrai, elle est pas morte. Elle doit pas être forte, mais elle est pas morte. Ouais, on pourrait dire ça. Parce que manger avec ça, avec cette bouche-là, elle doit faire mal. Ben là, j'imagine. De toute façon, tu sais quoi, tu te fais enlever les lames puis tu portes un dentier après, non? Ouais, j'imagine. On va commencer à élaborer sur la bouche de sa femme. Qui... par contre, le film a gagné une couple de prix dans les festivals. Fanta Festival 96, il a gagné le prix des meilleurs effets spéciaux. Meilleur film pour Fantas Porto en 97. Mais la plupart des prix qu'il semble avoir eu, c'est pour ses effets spéciaux. Puis encore là, comme je dis, j'y donne, sont quand même de bonnes factures pour la production pour un film de 96. Ça, à aucun moment, je me dis, ah, c'est trop frais, c'est trop fake, j'y crois pas une seule seconde. Non, c'est quand même bien fait, non. Comme je disais, moi, je pense qu'il aurait pu en avoir plus, mais en même temps, tu veux pas tomber non plus dans le trop over the top, mais juste en avoir un petit peu plus pour rendre le film plus marquant, plus impressionnant, puis qu'il puisse se démarquer des autres slashers de l'époque, puis qu'on s'en rappellerait maintenant, 20 ans plus tard, comme un film vraiment important d'un slasher. Mais là, c'est comme juste un film parmi tant d'autres, tu sais, c'est pas... Non, t'as raison. Puis en plus, 96, c'était-tu l'année du slasher? C'est-tu là que Scream était sorti? Je me rappelle plus si c'était 96. Ouais, 96. C'est 96 ou 97, je pense, que Slasher est sorti, que Scream est sorti. OK, parce que, tu sais, j'imagine dans ce temps-là, on était en plein dedans, tu sais, avec, justement, Scream, I Know What You Did Last Summer, puis tous ces slashers-là, Valentine. Le dentiste appartient à l'ancien style, je trouve, l'ancienne génération des années 80, puis rendu là, tu sais, 96. Ça fait plus 97. Le début. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est un film de 96, tu sais, c'est quasiment non, c'est un film du début, fin années 80, début 90. Ben, c'est ça que je veux dire. Puis quand t'étais rendu en 96-97, les slashers avaient pas nécessairement bonne cote avant qu'arrive Scream puis I Know What You Did Last Summer. C'était comme un renouveau, ça, tu sais. Parce que jusque-là, les slashers étaient rendus pas mal... Mais en même temps, les slashers, ça a pas mal tout teinté de mouton noir du genre dans le cinéma d'horreur. Là, les slashers n'ont pas toujours vraiment eu une bonne réputation. Même le film d'horreur dans l'ensemble des années 90, jusqu'à Scream, c'était pas mal mort. Là, c'était bien dans l'esprit des gens. Il n'y avait pas rien de spécial qui se passait dans le film. Mais c'est drôle parce que justement, tu regardes du monde qui souvent disent « Ah, des années 90... » C'est de la merde, le cinéma d'horreur. Moi, je préfère 80 puis après les années 2000. Mais tu sais, quand tu prends la peine de vraiment regarder toutes les années de 90 jusqu'à les années 2000, t'as beaucoup de classiques puis de bons films. Là, puis, que ce soit Candyman, que ce soit le sous-sol de la peur de Wes Craven, que ce soit Army of Darkness. Je veux dire, je pourrais te faire une longue liste de films. Oui, non, ce je sais, je suis d'accord. Je comprends pas pourquoi le monde a la vision des années 90 comme étant des mauvaises années de cinéma, puis qu'il n'y a pas de grands films. Comme si c'était une période morte, mais je veux dire, il y a quand même plusieurs classiques, là. Non, je suis d'accord, mais je sais pas. La perception à ce moment-là, mais je m'en souviens, c'est qu'il n'y avait pas tant de bons films d'horreur que ça, là. C'est dur à expliquer, mais. C'est peut-être juste peut-être qu'il en sortait moins que les années 80, alors que c'était le bombardement. Ouais, c'est peut-être une question de distribution, puis que tous les grands classiques, entre guillemets, on les a vus par après, plus en vidéo, puis que sur le coup, on les a peut-être pas vus à cette époque-là, tu sais. À Star, ils sortent plein de rééditions, que ce soit Scream Factory ou d'autres compagnies qui sortent plein de films, sont plus faciles à trouver qu'à l'époque. Tu prends juste Ravenous, que moi j'ai jamais entendu parler de ma vie, sorti en 99, mais j'avais jamais entendu parler de ça, tu sais. Jusqu'à l'année passée, ou il y a 2 ans, quand on a fait un épisode d'Horror Gamer là-dessus. Puis moi non plus, c'est un film que j'avais jamais entendu parler, puis je l'avais juste découvert à super écran parce que j'avais vu les annonces, je trouvais ça intéressant, mais je veux dire, quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça bon, mais avec les années, le film semble pas avoir eu la réputation qu'il mériterait d'avoir, tu sais. Puis t'as bien des films des années 90 de même qui sont restés comme dans l'ombre, mais pourtant c'est des films qui mériteraient à être du statut de classé, puis que la plupart des gens en temps normal adoraient au bout, là. Mais Wes Craven, je pense, c'est comme l'année qui a sorti plusieurs films des années 90, puis tu sais, tu regardes son The Serpent and the Rainbow avec Bill Pullman, qui est vraiment bon. Puis encore là, c'est un film qui n'est pas toujours forcément parlé. Tu sais, Wes Craven, on revient tout le temps à Scream ou à Nightmare on Elm Street. Puis je trouve ça un peu dommage des fois. Mais en même temps, il y a des affaires comme Carnival of Souls, je pense. Le remake? Ouais. C'était pas lui, ça? Il présentait, fait que j'imagine qu'il devait être juste producteur, mais c'est. Ah, c'est pas bon. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu dire que c'était de la grosse merde, là. Non, c'est incomparable avec l'original. L'original que j'ai découvert pour la première fois avec vous autres, justement, lors de notre première soirée que je t'ai connu, oui. Sur Horror Gamer, puis qu'on avait tout écouté Carnival of Soul. C'était le fun. Oui, c'était le fun. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Oui. mais c'est le fun, c'est le fun. J'aime ça discuter, puis c'est le fun quand on s'en va vers un peu d'autres directions. Puis, tu sais, le dentiste, on n'est pas. Il n'y a pas tant de choses à dire que ça non plus sur le film. C'est ça. J'en reviens tout le temps avec le même mot, mais c'était correct. C'était correct. Tu considères que c'est un nanar? Ou que c'est plus comme série B qui... Je peux pas dire que j'ai eu tant de fun que ça. Mais je me suis pas non plus nécessairement emmerdé. Fait que c'est vraiment dans le... Dans la section correcte, c'est vraiment juste pas. Ouais, c'est ça. C'est entre les deux, entre le nanar et le navet pour moi. C'est... Non, je suis d'accord. Je peux dire que c'est bien fait, fait que c'est pas non plus un navet dans le sens où ça serait super mal fait puis qu'on en rirait à cause de ça. Non, c'est bien fait. T'sais. Il y a du talent là-dedans, mais pas assez pour que ça me fasse sauter de joie et faire waouh, c'est vraiment écœurant ce film-là. Mais assez pour que tu puisses voir les deux. Non? Peut-être. Je vais peut-être me laisser. Il y a Ken Foree dedans. Encore? Non, okay. Non, c'est pas vrai. Maintenant que je vais vous être convaincre d'écouter un film, je vais dire, il y a Ken Foree dedans. Ouais, c'est ça. peut-être, je sais pas. Mais ouais, ouais, pour une fin de soirée, ça peut être le fun. Ouais, pareil. Ça c'est cool. Si vous avez envie de voir un film de dentiste qui est quand même sympathique et efficace par moment, c'est pas comme s'il y en avait des tonnes, ben vous pouvez y aller là. C'est pas un ratage. Là. Non. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième. Là, c'est qui les acteurs? Est-ce quelqu'un de connu dans le deuxième? Ah, il y a Wendy Robbie qui est dans Twin Peaks. Puis qui est dans Le Sous-sol de la peur aussi. Je pense que c'est elle qui joue comme sa nouvelle flamme. Là, c'est la fille qui va tomber amoureuse. Puis il y a Clint Howard. Oui, c'est vrai, ça je me rappelle. Le fameux Clint Howard. Et le meilleur conseil qu'on peut vous donner... si jamais vous tombez sur un maniaque dentiste là, qui a perdu sa tête et qui veut absolument vous massacrer la bouche, vous avez juste à lui dire « Je vais me brosser les dents 3 fois par jour puis je mangerai plus de bonbons. » Puis il va vous laisser tranquille. Exactement. C'est la solution. Bon, mais je pense qu'on va conclure là-dessus. C'est juste parfait. Oui, c'est ça. Bon, ben pour terminer, ben, c'est ça. On va avoir un time-out la semaine prochaine. On ne sait pas encore la date exacte, mais surveillez la page Facebook, puis on va vous le dire exactement quand ça va être le temps. De toute façon, on va vous le dire d'avance. Sinon, on a quelque chose en septembre, fin septembre ou mi-septembre qui s'en vient, un épisode spécial avec un invité, mais je ne veux pas donner de détails encore, ça risque d'être assez, assez intéressant. Ça va être le fun. Ça va être le fun, je pense. Puis entre les deux, entre le Time Out et celui-là, je pense qu'il va peut-être avoir un autre épisode régulier, mais on n'a pas encore vraiment établi de quel film exactement ça serait. Fait que ça, on va en jaser et en privé. Et donc, on vous revient là-dessus. On va se quitter en musique avec une chanson de circonstance par rapport au dentiste. La première idée qui m'est venue à l'esprit, la plus évidente de toutes, évidemment, c'est la chanson du dentiste, chantée par Steve Martin dans le film The Little Shop of Horrors. Et donc, là-dessus, on se dit au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, Steven. Ça me fait plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Shooting puppies with a BB gun. I'd poison guppies when I was done. I'd find a pussycat bashed its head. That's when my mama said. What did she say? She said, my boy, I think so. Your temperament's wrong for priesthood, and Cheek Cheek would suit you still less. Son, be a dentist, you'll be a success. Here he is, folks, the leader of the flat. Watch him suck up that gas. Oh my God, he's a dentist that he'll never ever be any good. Who wants their teeth done by the Marquis de Sade? Oh, that hurts. Wait, I'm not numb. Shut up. Open wide. Here I come. Oh, mama. Cause I'm a dentist.